parce que on connaissait pas tout ça, mais en fait c'est un sport extraordinaire. Mais il faut être hyper merci complet, Camille, du gainage et merci. Tout. Bien merci sûr. Merci beaucoup. C'est un sport qui est très mal connu et effectivement il y a beaucoup de préjugés sur la pole dance. Donc vraiment on se bat pour supprimer en fait totalement cet aspect en fait d'érotisme, etc. Bien évidemment c'est comme ça qu'elle est née, la pole dance, mais c'est plus du tout ça à l'heure d'aujourd'hui. Il y a le pole art, il y a le pole sport et c'est un vrai sport à part entière, vraiment ouais, vraiment. Bien sûr. Et on a grand espoir que ça aille aux Jeux Olympiques. Donc, vraiment, oui, c'est ce qui était prévu. Enfin en tout cas c'est dans les On y travaille. Pour que ça devienne une épreuve olympique, avec ta fille, on n'est pas à l'abri d'avoir la médaille d'or, mon pote. Hein. C'est possible. Elle y travaille, en tout cas, et on peut être fier d'elle, effectivement. Bah, bravo, Cassie. Ah ouais. On va aller regarder son compte Insta avec grand plaisir. Je vais la suivre, moi, j'adore. On va lui donner de la force, avec grand plaisir. Bah, trop bien. Merci beaucoup. Donc, Cassie Pollard, du coup, sur Instagram. Ça part, Cassie Pollard. C'est ça. Ok. Ouais, Rémi. Il y a Cassie Paulette, c'est une autre dame qui n'a rien à voir, qui est dans la terrine. Je vous le dis pour les gens qui nous écoutent, je ne peux pas. On devrait être champion. Est-ce qu'on est champion du monde de terrine? L'équipe vérifiée. Est-ce que la France est champion du monde de terrine? Il est hors de question que ça soit encore en Pologne ou je sais pas où. Ou en Autriche. Hein. L'Autriche, il m'a tapé mon Euromillion. Il y a un Autrichien, on l'a appris hier, qui m'a volé ma vie. Alors je vais vous dire un truc qui m'est perpiqué ma terrine. Est-on champion du monde de terrine? Mais évidemment attention. Que oui. Oui, c'est bon. C'est une femme? Évidemment que c'est une femme. Évidemment, c'est les femmes qui sont des championnes. Travaillent assez pour être championnes. Et alors, c'est français? C'est quoi son prénom? Emmeline Aubry. Eh ben voilà. D'accord. Donne-moi ça. N'importe quoi, tu lances un truc, on est champion du monde. Bon, pas de athlétisme, mais voilà. Dans des trucs comme ça, souvent on est champion du monde. Fanny, ce soir, j'offre une PS5 et un air fryer. Ouais, trop bien. Ok. Et dans un instant, vous savez que c'est le 1er avril. Ouais. Vous le savez, ça? Ouais, c'est vrai. Pas de blague, vrai. Hein. Comment? C'est pas une blague. Ça, c'est pas une blague. Non, c'est bien aujourd'hui, hein, je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. On est le 1er avril aujourd'hui, ça, c'est pas une blague. C'est une vraie info. Eh ben, je vais vous... En fait, il y a une surprise qui arrive dans un instant. Mais je peux pas trop la teaser parce qu'elle risque de tomber à l'eau sinon. Ok, restez avec nous dans un instant. Il y a une surprise qui arrive sur Énergie. Là, on est en direct avec vous, avec l'équipe. Jérémy Frérot, il arrive dans 15 minutes là. Ah. Il sera là avec nous. Ça non plus, c'est pas une blague. Restez là, on est en direct, c'est Énergie. Gims tout de suite. Travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour jouait, rentrer tard, étrier le ciel, pépé noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, les peignoirs. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh. Anina nani nina oh. Ani na ni na ni na ho, ani na ni na ni na ho, ani na ni. On est en direct sur Énergie. Gims est notre invité jeudi. Il la chante celle-là ? Ouais. Oh là là. Mais c'est Noël ou quoi là ? C'est le 1er avril ou c'est le 24 décembre ? Rapport au cadeau. Ouais, ok, d'accord. Noël, il nous fait un cadeau, quoi. J'adore l'humour. Alors, on a compris. On est le 1er avril aujourd'hui. Ouais. Et le 1er avril aujourd'hui, c'est la journée des blagues. Ouais. Donc, je voulais le dire au dernier moment. J'espère que ça va fonctionner quand même. Je me suis amusé à faire un truc depuis tout à l'heure avec l'équipe. On s'amuse, on est en studio et on fait ce qu'on appelle le double appel, qui a été créé par Difool, qui fait ça très bien depuis des années. C'est canon. Il y a rien qui me fait plus rire et donc je le remercie. Enfin, je vais pas demander, mais on le remercie. On a emprunté la séquence que pour ce soir, mais évidemment c'est une invention de Difool. C'est on appelle deux personnes en même temps en direct et donc on s'amuse à le faire avec ma mère et ma tante Eliane. Et on s'amuse à le faire hors antenne depuis tout à l'heure. Et je voudrais l'essayer en direct, mais sauf que je crois que ma mère est en train d'écouter. Donc peut-être que là, je voulais le dire au dernier moment, peut-être que là, la blague en direct va tomber à l'eau parce que ma maman m'écoute quand elle est en voiture. Et je crois qu'elle est en voiture. Donc on écoute, regardez ce que ça donne, ma mère et ma tante Eliane qui sont appelées en même temps. Allô ? Oui, quel est l'appareil ? Pourquoi ? Je réponds à un appel, moi. La suspicion. Ah bon ? Qui êtes-vous ? Déjà deux petits soleils. Pardon ? Qui êtes-vous ? Et une dame qui a reçu un. Je réponds à votre appel. Le qui êtes-vous ? Vous êtes sûr que je vous ai appelé ? Mais oui. Mais c'est qui ? C'est pas Eliane ? Oui. Qui m'a appelé un numéro masqué à l'instant. Mais c'est Evelyne ? Oui. Je ne sais pas appeler un numéro. J'ai pas fait. Mais oui. Si tu viens de m'appeler, moi je décroche. Ça c'est le premier. Alors après ça parle, parce qu'après le problème c'est que elles devaient pas se parler puisque c'est moi qui fais le double appel. Je les appelle et après elles entament une conversation comme si elles devaient s'appeler. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se parler, mais elles trouvent un sujet de. Bon et toi alors. Et donc ça dure une heure. On a fini par les rappeler, elles ont raccroché et tout de suite après on les a rappelées, deuxième appel. Oui. Evelyne. Allô. Oui, c'est moi. Bah écoute. Mais c'est trop mignonne. Attends, je qui a appelé là. Bon. Ça commence à les faire rire. Donc ce que je propose, c'est qu'on réessaie en direct. C'est le double appel de Difool. On réessaie, on les appelle. Là, j'ai les deux numéros. Allez. On rappelle en direct. Donc là, je le dis d'avance. Peut-être que maintenant ma tante va pas décrocher. Déjà, c'est un miracle que ma mère a décroché son téléphone. Et on va les rappeler les deux. Et j'espère que ma mère n'était pas en train de nous écouter sur Énergie. On y va. En direct, double appel. Ça marche hors antenne, en direct, en général. Évidemment. Allô, j'écoute. Eliane, c'est Evelyne. Oui. Numéro masqué. Oui. Mais tu m'as encore appelé. Pas du tout. Mais ça a sonné. Écoute. Écoute, non, le téléphone est dans la cuisine. Jackie vient de partir avec le gars pour la piscine. Non, j'ai pas appelé, Evelyne. Mais ça alors ? Moi, ça sonne, numéro masqué, je décroche et c'est tout. Voilà. Écoute, bon. J'espère que Ricky n'a pas fait une bêtise parce que nos téléphones, ils sont un peu connectés alors. Mince, j'étais obligé de raccrocher, ma tante, ça a coupé. J'ai raccroché au nez de ma mère, c'est jamais arrivé dans ma vie, j'ai peur. J'ai peur. On rappelle dans un instant ou pas? Ah bah ouais. Non mais là, c'est trop beau, là. Et toi, tu peux pas parler? On peut parler par-dessus. Bah, c'est la prochaine étape. Ouais. Bien sûr, on va parler. Voilà. Ouais. Mais là, ma tante, ça a coupé net. Je sais pas ce qui se passe. Bah, après, oui, bah, je suis des Hautes-Alpes, hein, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Allez une fois dans les Hautes-Alpes et vous comprendrez très bien ce qui se passe. Quand t'as une barre de 2G, gars, déjà, c'est une dinguerie. Alors, on reste dans un instant des temps directs. On va continuer d'essayer de canuler ma mère. Ça va arriver. On écoute Cameron Whitcomb. Avant tout ça, bien sûr. On est en direct avec vous. C'est le 1er avril. Après, il n'y a plus de canular, hein. On fait juste celui-là. C'est parti. Jérémy Frérot dans un instant. Yes. Un réveil, une radio, et votre salaire doublé. On te double ton salaire, Damien. 3 740 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Hein. Une fois qu'on m'appelle pas pour me vendre des panneaux solaires. Demain, 7h05, 8h05, Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-10. Inscrivez-vous en envoyant salaire par SMS au 7-10-12. 3 x 75 centimes, plus coût d'un SMS. Thank you. à tous ceux qui achètent les lapins au chocolat toujours par deux. C'est pas par gourmandise, hein, mais c'est juste pour pas qu'ils se sentent seuls, quoi. Ça peut être vachement effrayant de se faire chasser par des enfants dans un jardin. À deux, c'est plus facile, bah, pour se défendre, tout simplement. Alors, chez Intermarché, pour l'achat d'un lapin Lindt, vous avez 50% de remise immédiate sur le second. Bah oui, c'est Pâques, et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 avril, sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et si vous succombiez au savoir-faire français ? DS Automobile présente DS3 Édition France. Richement dotée et produite en France, cette nouvelle édition limitée, forgée dans l'élégance, vous séduira avec ses finitions dorées. DS3 Édition France 100% électrique, à partir de 290 euros par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sport 2000. Oh là là, mais attendez, ça joue chez Sport 2000. Ah, effectivement, quel match, c'est incroyable. Et regardez, Madame Dubois qui est débarquée à la première caisse. Elle tend ses vieilles baskets et oui, elle réussit une reprise de volée. Ça, c'est une reprise gagnante. Et des deux pieds, s'il vous plaît. Va y avoir du sport chez Sport 2000. Jusqu'au 20 avril, pour une paire de chaussures rapportées, recevez jusqu'à 30 euros de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Sport 2000. Conditions et magasins participants sur sport2000.fr. Vous voulez encore plus de Manu dans le 6-10 sur Énergie? Écoutez-le en podcast. Sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Carrefour. Chez Carrefour, achetez vos yaourts, compotes et desserts et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les yaourts, compotes et desserts, même en promotion. Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 10 euros et jusqu'à 20 euros d'achat en deux bons d'achat valables du 4 au 20 avril. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a ? Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées. Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez de 200 euros de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150 gigas et plus. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99 euros par mois, engagement 24 mois, soit 192 euros au lieu de 392 euros après remboursement et reprise mobile. Conditions en boutique. Du tout terrain à tout petit prix chez Intersport. Hey l'équipe, au rayon vélo électrique, une idée pour un client qui aime rouler en ville comme à la campagne ? Le crossover Nakamura, avec lui, tout roule. Eh ben si tout roule, ça roule. Chez Intersport, jusqu'au 13 avril, le vélo électrique adulte crossover V Limited Nakamura est à 1199,99€ au lieu de 1599,99€, soit 400€ de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Nakamura est le meilleur marque de vélo électrique. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Énergie à Paris. 100.3 et en DAB+. Toujours plus de frissons, encore plus d'adrénaline. La Foire du Trône est de retour à partir du 4 avril. Avec cette année encore plus de nouveautés, des attractions pour toute la famille, des stands gourmands, des restaurants et bien sûr les auto-tamponneuses et les manèges à sensations. Vous êtes prêts ? La Foire du Trône ouvre vendredi 4 avril à 16h et dure 2 mois. Retrouvez-nous jusqu'au 9 juin, pelouse de Reuilly, Paris 12e. Entrée gratuite, parking Bercy 2 puis navette petit train entièrement gratuite. Plus d'infos sur foiredutrône.com. Depuis plus de 35 ans, l'école de chiens guides de Paris élève, éduque et remet gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles ou malvoyantes pour qu'elles puissent à nouveau vivre pleinement. En soutenant l'école de chiens guides de Paris, vous aidez des milliers de personnes à se déplacer en sécurité et à être plus autonomes au quotidien. Faites un don dès maintenant sur chienguideparis.fr, je répète, chienguideparis au pluriel.fr. Envie de partir en vacances cet été ? Découvrez les résidences Odalis Vacances. Odalis Vacances, ce sont plus de 150 adresses tout confort à la mer, à la montagne ou en pleine nature qui vous attendent partout en France et en Europe du Sud. Ne tardez plus et réservez vos vacances dès maintenant sur odalis-vacances.com. Tous propriétaires avec Icade, bénéficiez de l'équivalent de 1% en moins sur votre taux d'intérêt sur une partie du montant emprunté jusqu'à 150 000 euros. Plus les frais de courtage offerts avec l'accompagnement de meilleurs taux. Rendez-vous sur icade-immobilier.com. Offre soumise à condition jusqu'au 30 avril 2025 inclus. Hors assurance et frais sur une sélection de 57 programmes dans la limite des stocks. Meilleurs taux, courtier en opération de banque et service de paiement. Orias 07 022 955. Icade, mandataire non exclusif en opération de banque et en service de paiement. Orias 130 030 36. 25 attractions sur 15 hectares de forêt. Sherwood Park. 40 parcours agrobranches. Sherwood Park. Plus de 550 jeux dans les arbres. Sherwood Park. Le village dans les arbres, le labyrinthe géant, randonnée en quad, paintball, laser game, tir à l'arc ou à l'arbalète. Ok, ok, ok. Donc, c'est ça, le plus grand parc d'aventure de France. Pour toute la famille. Et à seulement 30 km de Paris. Sherwood Park. Sherwoodpark.com. Sherwoodpark.com. La saison 2025 commence. En route pour Sherwood Park. Contrôlez la qualité de vos réseaux d'eau et choisissez Aquaticia, le laboratoire numéro 1 en Île-de-France. Aquaticia réalise vos analyses de potabilité, de légionelles ou d'aliments. Aquaticia collecte vos échantillons en moins de 3 heures en Île-de-France. Contactez Aquaticia au 01 777 55 400. 01 777 55 400. Partez en vacances en famille ou entre amis avec Odalis Vacances et Énergie. Connectez-vous sur énergie.fr pour gagner votre séjour d'une semaine pour 4 personnes dans l'une des 150 destinations à la mer, à la montagne et à la campagne avec Odalis Vacances. Oh, merci. Énergie, hit, music only. Paris, Île-de-France, Énergie 100.3 et en DAB+. Si vous vous branchez maintenant, vous tombez bien. C'est la fin des pubs et le retour de Camille Combal. 16h-19h sur Énergie. On est en direct sur Énergie. Jérémy Frérot est déjà arrivé. Il va nous chanter en live un titre. Ça nous fait trop plaisir. Surtout, on l'aime beaucoup. Il sera là dans un instant. Il va chanter avec ou sans. Avec ou sans. Il est là dans un instant. Mais avant, je suis obligé de terminer quand même parce que c'est le 1er avril. Évidemment. Et il y a une pub au milieu. On est obligé de continuer de canuler ma maman. Puisqu'on appelle ma mère en double appel. Vous connaissez cette séquence de Difool où il appelle deux personnes en même temps. Rien n'est truqué. On l'a enregistré tout à l'heure. Ça a marché tout de suite alors que ma mère décroche le téléphone une fois tous les 4 ans. Un soir d'éclipse à peu près. Vous voyez, quand le nombre de fois vous voyez une éclipse, c'est le nombre de fois vous avez une chance de choper ma mère au téléphone. Et ma tante Eliane, qui est pire. Et les deux ont décroché, gars. Donc depuis tout à l'heure, on les rappelle en double appel, on continue bien sûr. Elles vont en avoir marre. Ce qui est adorable, c'est qu'elles finissent par se parler. Elle sera contente aujourd'hui. Oui, Eliane. Allô? Allô? Allô? Messagerie Orange, bonjour. J'ai une boisson d'avril. Qui a dit ça? Ah ben, je crois que ma tante, elle décroche plus. Mince. Qui on peut essayer d'appeler? Attendez. C'est ta mère qui vient de dire c'est un poisson d'avril? Ouais. Ah ouais? Ma mère, vas-y. Ouais. Qui on peut appeler? Bah, une autre tante, une sœur, elle a pas des sœurs, ta mère? Elle a que ça, des sœurs. Bah, trouve une sœur de ta mère. Mais elle a quatre sœurs. On essaie? Allez, hein. Ouais, allez. Mais attends, là, ça, bon après, sinon, on lui dit que ça marche pas. Hein. On lui dit, attendez, je rappelle la même. Ah, attendez, on y retourne. Ah, c'est du direct, hein. Bah, si on faisait enregistrer et qu'on montait ça, ça serait grave, hein. Est-ce que ça a décroché? C'est ma tante Louisette. Ah, y a aucune chance qu'elle décroche. Messagerie Orange. Ouais, mince, en même temps, j'appelle ma mère, ça me stresse. Ça me stresse moi. Mais attends, tu peux pas l'appeler toi, ta mère, et tu lui dis que c'est toi qu'elle a appelé? Et que t'es à l'antenne, et que, tu vois, tu peux pas lui parler? Bah, elle va pas y croire. Elle sait très bien qu'on fait des blagues. Non mais là, elle s'est pas doutée, alors qu'on est un peu. Ma mère qui appelle ta mère? Ah, t'as le numéro de ta mère? Bah oui. Ça m'arrive de lui parler un peu de temps en temps, ouais. Oui, mais elles vont jamais connecter. Comment tu veux qu'elles sachent que... Mais elles vont pas connecter. Mais non. Il faut quelqu'un... T'as pas un plombier, le pisciniste? T'as pas le numéro du pisciniste? Un numéro, je sais pas, de quelqu'un, genre, de son quotidien, tu vois. Attends, bah, je vais essayer ma femme. Ah bah voilà. On va essayer. Attention, tu sais commencer, hein. Oui, je sais bien. Femme et belle-mère, c'est un concept. Hein. Non, elles s'entendent bien, je crois. Je crois. Bah, oh, écoute, on va le savoir. Hein. Ah, ça va être génial. Ouais. Ok, dernier test, après on arrête. Après, il y a quel Jérémy Frérot qui attend dans le couloir. Allô? Allô? Bonjour, merci. Ah, j'écroche plus. Mince. Ça y est, c'est mort. C'est mort. Elle a compris. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, on a bien rigolé quand même. Ouais. Ah ouais. Bon, on aurait aimé que ça dure deux heures. Mais bon, il faut que j'appelle ma mère, faut que je lui dise quand même que c'est pas vrai. Quand même. Elle va jamais décrocher. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Elle a raccroché, ouais. Elle raccroche direct. Ah ouais, elle a plus le temps. En fait, je dis j'arrête, mais en fait, je continue. Allô? Allô? Oui. Allô? Le silence est en avant. Ah là, il raccroche direct, ça y est, c'est mort. C'est mort. Allô? Non, il n'y a plus personne. Bon, tout le monde m'a raccroché. Ça y est. C'était trop beau, c'était un moment suspendu. C'était ma mère et ma tante ensemble. Ça dure une éternité. Surtout quand elles se parlent de leur journée. Elle rigolait, ça les a fait marrer. Mais ouais, ça l'a fait marrer au début. Maintenant, on est le compte CPF pour elle. C'est pas possible. Non, ça sonne pour elle. On est là pour lui vendre des panneaux solaires. Des panneaux solaires. On est mort. Je peux même pas l'appeler pour lui dire que c'était une blague. J'ai essayé une dernière fois, elle va même pas me décrocher. Envoie-lui un SMS. J'ai pas son numéro. Appelle-la avec ton téléphone. Hein? Elle verra que c'est toi. Allez, elle va décrocher une dernière fois. Allô, maman? Maman? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, comment tu vas? Mais qui c'est l'appareil? C'est ton fils, pas le préféré, le deuxième. Oh là là, mais j'ai eu peur. T'as peur de quoi? C'est le 1er avril, mais l'intonation de la voix. J'ai eu peur. Mais oui, c'est nous qui te faisons appeler Tata Eliane depuis tout à l'heure. Ah non, mais c'est... Et hey, maman, poisson d'avril. Hein, oui, non, mais il a bien pris. Mais en plus, je leur ai dit, tonton Jacqueline, au sens où il va aller. On n'a pas compris. Tu as mis la panique parce que j'ai dit, Eliane, arrête un moment, ça m'agace. Oui, quand vous avez décroché les deux, on sentait que c'était pas, c'était pas la boule de bonne humeur qui nous pétait à la gueule. Hein. Là, il y en avait, ça commençait à être lourd, tu vois. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Après, je me suis dit que c'était ton père qui nous avait fait un poisson d'avril. Il a dit, mais non, moi je suis pas sec. C'est ça. Bon, non, je t'embrasse. J'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai une émission de radio à faire. Ça fait une heure qu'on est. On va écouter. Déjà, ça veut dire que t'es pas en train de m'écouter. Deuxième mais truc. Non, il y a un taxi. Ben, choisis la radio. Qu'est-ce qu'il écoute, quoi, le taxi? Je sais pas ce qu'il écoute. Qu'est-ce que vous écoutez? Énergie. Là, il a mis. Ah, c'est un peu tard. Hein. C'est un peu tard, tu lui dis. C'est trop tard. Et le Fayot, il aura pas d'air fryer, lui. Hein. Une fois qu'on est à l'antenne. Ça capte pas de partout. Oui, ben, je sais bien. On va voir Jérémy Frérot dans un instant. Demande s'il aime bien le chauffeur de taxi. Oui, vous aimez Jérémy Frérot? Ouais, c'est pas mal. Oui, il aime bien. Oui, mais il est dans le couloir, donc pas mal, celui-là. Comment il s'appelle ton chauffeur de taxi? Guillaume. Bon, ben Guillaume, on lui met. Il y a un Jérémy Frérot qui arrive en direct dans un instant, ok? Allez, mais ok, ça va lui faire plaisir, hein? Allez, salut, maman. Mais là, il me traite toujours énergie, c'est sûr. C'est ça. Allez, faut nous laisser tranquille. Allez. Bisous, on va avancer. Tu l'as dit à Tata ou je lui dis? Non, bah dis-lui, parce que moi, j'ai un peu une émission à faire quand même. Donc, si je rappelle en plus Tata Eliane en direct, ça va me prendre 5 minutes quand même, tu vois. Je vais lui dire. C'est top. Gros bisous, c'était réussi. Top. Problème. Eh ben, tu dis merci, Diffoul. Dis-le, maman. On commençait à s'agacer, tout de suite. Dis merci Diffoul, maman. Merci Diffoul. Je t'embrasse, maman. Bisous. Allez, laisse-nous. Allez, laisse-nous. Maman, bisous. 16h30, on écoute Cameron Whitcomb. Et notre invité, on l'adore, c'est Jérémy Frérot qui est là dans un instant avec nous en direct sur Énergie. Et ça fait très plaisir. Il va chanter en plus. Et ouais. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's pistol packing matador and I'm the bolt to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen and boy I love to talk. Mesmerizing eyes turn me into stone. And together I'm alone. And I don't even want you back, even though you're wrong. I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, this concrete heart. feeling how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. Mama, do some, I can use some. I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack. This concrete heart, oh yeah. This concrete heart, this concrete heart. On est en direct, on est sur Énergie, il est 16h32, courage à vous tous, merci d'être là. Si vous êtes en voiture, peut-être en train de terminer une longue journée de boulot, vous récupérez tout le monde à l'école, on va vous donner du courage, j'espère en tout cas. On est là jusqu'à 19h, c'est notre meilleur moment de la journée, 3h avec vous, avec des gens qu'on adore, que des gens qu'on adore, qu'on reçoit le soir. Et ça nous fait plaisir d'avoir Jérémy frérot ce soir. Avec ou sans, avec ou sans. Jérém, sois bienvenu. Le nouveau single s'appelle Avec ou sans. Il va être en live dans un instant. Ouais. Tu vas te chanter en live. C'est extrait du troisième album solo Gamin des Sables, sorti en septembre dernier. Là, c'est le troisième single. C'est ça, ouais, exactement. Et je suis là. Ah ouais. On est arrivé sur Énergie, il y avait ça non-stop. C'est vrai. Ah, génial. Et Adieu aussi. On a eu Adieu. Et Adieu, ouais, le premier single de cet album. C'est une chanson de rupture et apparemment maintenant c'est devenu un hymne de rupture. Il y a beaucoup de gens qui hésitaient à rompre et grâce ou à cause de ta chanson, ils sautent le pas. Ouais, ils se disent que c'est possible, que ça peut bien se passer. Et parce que ça peut ruiner des vies en fait, de rester ensemble sans être amoureux. Et donc ouais, parfois j'ai reçu des messages en me disant bon bah écoute, on a sauté le pas grâce à ta chanson, on voit que ça peut bien se passer. Puis des fois d'autres ils disent c'est à cause de toi hein. Il s'est barré. Ça peut arriver. C'est quoi tiens, est-ce que t'as toi en dehors de la tienne donc que t'as écrite qui est très très belle chanson, est-ce que t'as une chanson de rupture toi, la chanson que vraiment t'écoutes, tu sais, vous comprenez rupture, les moments où on est un peu de spleen, un peu triste. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson que t'aimes bien? J'ai pas, non, je m'enferme et je veux voir personne. Je veux pas écouter de musique, je pleure, ouais, ouais. Je me poignarde encore plus. Je vois ça. C'est terminé. C'est un truc de fille, un ça petit... peut-être. Ah non, moi de j'ai. Le couteau dans moi la j'ai ma chanson de rupture, hein, qui est une chanson qui parle de rupture. Ah bon, c'est laquelle? Ah ouais. Justin Bieber, Love Yourself. C'est ton couteau, quoi. Je suis d'accord, mais. C'est ton couteau à toi, tu sais. Ouais, bien sûr. Un couteau sur un skate, quand même. T'as raison, Jérém. Mais la tonalité, elle est joyeuse. C'est pas la chanson qui t'arrache les larmes. Non, parce qu'après. C'est mélancolique. Ouais, c'est mélancolique, pardon. Et quand j'ai fini celle-là, j'écoute la réponse de Selena. Ah, celle-là, elle est magnifique. Parce que les deux, attention, ça m'a travaillé cette histoire. Et moi donc. Pour moi, ça aurait pu matcher fort. Bah, tiens. Ça, c'est une histoire d'amour manqué, ça. T'as une chanson de rupture? Bien sûr. C'est quoi? Sinead O'Connor. Ah, ça, tu connais, Jérém? Non. Quoi? Vas-y, non, j'ai pas. On l'a? Tu connais? Je vais chercher ça, attends. Bouge pas. Ah non, c'était Lana Del Rey. Je confonds, j'en ai deux. Ah, Lana Del Rey, ouais. Écoute, elle, elle fait des albums de rupture. Hein, bah, bien sûr. C'est tellement ça. Bah, de la première à la 17ème chanson, c'est que des ruptures. Écoutez les paroles, est-ce que tu m'aimeras encore quand je serai plus jeune et belle pour une femme? C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ah ben celle-là, t'as envie de chialer en courant, mais pieds nus dans la forêt. Ouais, t'as envie de rompre. Mais c'est pas une rupture. Hein. Est-ce que tu m'aimeras encore si je serai... Non, mais alors, les amis, je vous explique. Vous, vous écoutez les paroles. Moi, j'écoute la, la tonalité. Tu viens de nous dire écouter les paroles. Bah oui. Tu viens de nous dire. J'avoue, c'est vrai. Tu nous as dit ouais, vraiment. J'avoue, c'est vrai. Écoutez bien les paroles. Oui, non, non, mais attendez, quand tu foutais à écouter les paroles. J'ai pas le temps d'écouter les paroles. Je cours nu dans la forêt. Bah oui. J'ai pas dit, j'ai pas dit nu. Oui, pardon, pieds nus. J'ai dit pieds nus. Pourquoi tous les fantasmes? Et en revanche, courir pieds nus dans la forêt en hurlant, c'est en train d'échapper à un kidnapping. C'est pas une rupture. T'es au courant, ça. C'est pas du tout une relation. C'est pas une relation saine, sur le papier. Sur le papier, c'est pas ça, hein. Rémi, moi j'en ai une, c'est Tony Braxton. Oh, ça c'est mon adolescence. Ah, mais ça. C'est désolé. Jérémy Frérot, il vient d'arriver, il se prend. Comment elle s'appelle? On prend vintage. Mais tu rigoles, ça passait tout le temps sur Énergie. Mais c'est à ce l'époque. Que je dis, à l'époque. Oui, à l'époque. À l'époque. On est resté bloqué, nous, on est pas dans notre temps. C'est bien la nostalgie aussi. Hein. Ouais, non, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est très, très dure. Alors, tu vas nous chanter dans un instant avec ou sans. Oui. Et alors, en ce moment, t'es en tournée. Mais c'est une tournée de fou que tu nous fais. Ouais, ça a été assez bien. En mars, on a joué 20 fois. Actuellement, dans toute la France. Jeudi, là, cette semaine, à Talent, près de Dijon. Vous avez envie de le voir? Bah, c'est complet. Bisous. Vendredi, là, cette semaine, c'est à Provins. Aussi. Provins, c'est complet. Le 30 mai au Cirque Royal de Bruxelles, il reste 4 places. Allez-y maintenant, 4 et des strapontins. 10 juin, l'Olympia de Paris, complet l'Olympia. Ouais. Oh là là. Mais il y a des salles plus grosses après, si tu peux les annoncer. Bien sûr, mais je vais t'annoncer parce que c'est fou. Il y a toute la tournée, regardez Chambéry, Saint-Brieuc, Le Touquet. Et après, tournée des Zéniths en 2026. Allez. Alors les Zéniths, ah, c'est pas Tony Braxton là. Hein. Tu c'est 8 mars au Zénith de Lille, le 11. Non, bah non, je suis dans cette salle de Zénith, tu mets Tony Braxton. Le 11 mars à l'Arena de Bordeaux, le 20 mars au Zénith de Paris, le 25 mars au Zénith de Toulouse, le 26 mars à l'Amphithéâtre de Lyon et le 1er avril au Zénith de Nantes. Vous n'avez pas eu l'occasion de le voir sur cette tournée là, dans déjà des grandes salles, mais pas aussi grandes. Allez l'applaudir pour la tournée des Zéniths, c'est en 2026. 2026, rien n'est complet. T'es chaud? Allez-y, venez. Ouais, rien n'est complet. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud, ouais, bien sûr. On a commencé avec des dates un peu plus intimistes. On arrive au festival et au festival, il y a une énergie qu'on doit attraper parce que dans les salles l'énergie reste, dehors l'énergie s'en va. C'est un peu chelou, ouais. Comme mais tu comprends le principe. Ok, ouais, bah, j'ai vu. Mais tu sais que je connais très bien avec LM6, je crois beaucoup cette énergie là on va la garder pour les emmener dans les Zéniths et donc ça risque d'être beaucoup plus puissant, ouais. On va mettre Fred et Jamy sur le coup, on va essayer de trouver ça pour qu'il gère. C'est vrai, quand c'est dans des grandes salles comme ça, les festoches c'est plus dur. Bah ouais, parce que t'es obligé de donner toujours très très fort pour que les gens soient accaparés par toi, quoi, parce que sinon bah t'as le dehors, t'as le vent, t'as les éléments naturels, puis, t'as pas toute ta scéno et tout, c'est un peu des plateaux. Bien sûr, il y a d'autres artistes, gens qui viennent que pour toi, donc il faut redoubler l'effort. Et donc ça sera en 2026 la tournée des Zéniths. En tout cas, on m'a dit, parce qu'on a un ami en commun, Jérém, on m'a dit il faut absolument lui demander de raconter l'histoire de la cicatrice et de la hache. Oula, est-ce que tu peux nous raconter? Je ne sais pas ce qu'est cette histoire. Il m'est arrivé un truc assez cocasse, c'est qu'au début de ma carrière, quand je commençais avec les covers, j'étais connu que chez moi, sur le bassin d'Arcachon. Et un jour, l'été, je travaillais encore en tant que sauveteur, et je vais dans une grande surface avec mon frère, bon, on va acheter des bières, et je le pose sur le tapis, et... quand j'ai un pack de vin, tu vois, un pack de vin bière. Ouais, c'est une belle soirée déjà. Ouais, ouais, mais ouais. Quand j'arrive devant la caissière que je connais, qui était dans ma classe, elle me dit 90 euros. Je dis mais c'est 20 bières, ça a augmenté vachement quand même. C'est impossible. Elle me dit mais non, Jérémy, les deux personnes avant, elles ont dit que t'allais payer. Je dis mais c'est pas possible, je peux pas payer. Enfin tu m'as vu arriver. Et tu les connaissais pas? Mais non, je les connaissais pas. C'est la meilleure astuce. Et je les voyais partir dans le centre commercial. Et je dis bon bah tu restes là machin, tu bloques la caisse. Je vais pas payer 90 euros, j'ai pas ça, je peux pas. Ouais. Et je suis parti. Bon bonjour, on se connaît, deux vieux, en train de marcher, ça, ils sursautent et ah bonjour Monsieur Frérot, bon vous a reconnu. Voilà, je dis mais oui, okay, qu'est-ce que je fais? Je dois payer vos courses? Non, mais on voudrait partir en vacances. On s'est dit que vous allez payer nos courses. Hein? Je dis mais c'est pas possible en fait. C'est un gris. Je dis, bah ouais, mais vous êtes connu, Nani. Je dis mais non, il y a pas de connu. Vous imaginez toutes les 20 caisses là, elle me demandait, je paye le truc. Et là, je vois mon frère faire comme ça, reviens. Genre laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Et là, la caissière, elle pleurait. Elle me disait mais c'est mon premier jour, je vais perdre le taf, quoi. Oh, c'est pas wow, possible. Oh, c'est, mais non, mais c'est mort en fait, c'est mort. Tu t'appelleras ton patron, tu bloques la caisse. Il y avait une queue de malade et je suis reparti. Et je repars sur le parking et je voyais le vieux, la vieille assise comme ça, et le gars en train de ranger ses courses dans le coffre. Que t'as payé? Que j'ai pas payé. Que tu dois payer. Et je suis arrivé, j'ai dit, oh, monsieur, non, je remettais les courses dans le caddie. Et donc, il me mettait les courses et moi, je les sortais. Non! Il les mettait, je les sortais. Il voyait que j'étais plus jeune. Donc, ça allait plus vite. Donc, il s'est dit, ah, c'est bon, il a levé la main, il s'est barré et il va dans, il ouvre la portière du conducteur et il cherche. Oh, wow, c'est jamais bon le vide-poche. Il y a jamais bien. Vous faites quoi, monsieur? Et je le tire, il me sort une hache. Oh, wow. Mais non. Oh, wow. Et regarde le coup qu'il m'a mis. Je fous ça pour ça. Mais moi j'étais dans ton histoire. Il a montré ses fesses. Explique tout, ouais. Il a baissé son pantalon. Il a montré sa raie des fesses. C'est pas vrai, j'ai laissé le caleçon, c'est pas vrai. Mais quel. Mais j'étais dans ton histoire, j'étais fou. Mais tu m'as piégé, j'étais dans fait en train d'accuser. On allait retrouver ce pauvre gars. Oh non. Ah non, j'ai jamais été dans une histoire à ce point-là. C'est vrai que t'étais passionné. Auto, j'étais quoi? Mec, c'est moi qui ai lancé mon propre premier round. Je me suis auto-lancé un canular. Je veux dire, c'est notre pote commun Poulpe qui m'a dit, j'ai entendu sur les réseaux, il a vu que tu venais, il m'a dit, et à part lui de cette histoire, elle est folle et tout. Et en plus, il m'a fait comme ça, il pourra pas raconter tous les détails, mais c'est fou. Donc, j'étais en mode, gars, je sais qu'il enlève des détails. Et puis, juste avant de la raconter, il me dit, je la raconte, mais je pourrais pas donner tous les détails. Mais non, mais j'ai pas, on va dire à la radio, j'ai pas enlevé mon caleçon, je l'ai. Oui, on a un par-dessus. Ah non, très classe, Clark Gable, hein. Clark Gable. Il fiac, mais attention, il y a une fiac, j'ai montré le doigt au milieu. Et tu sais que ça m'est déjà arrivé de raconter cette histoire. Je la raconte tellement de fois, cette histoire, bourrée en soirée. Et je l'ai ça m'est arrivé que des gens fassent, mais où? Non, mais gros, mais ça va, tu vois, au milieu, en fait. Les gars, moi, il m'a pas vu, j'étais vraiment en mode, non. J'ai vu te lever, je dis, non, il m'a pas eu comme ça, non. Il a pas pu se jouer de moi à ce point. Eh ben, si. C'est fort. Oh là là. Bon, sinon l'album gamin. L'album gamin des sables. On aura l'extrait dans un instant. Avant quand même, tiens, je voudrais vous donner une info. Tu vas jouer avec nous aussi, Jérémy, et surtout faire gagner un cadeau à quelqu'un dans un instant. Avant ça, tiens, je voudrais qu'on accueille Elisa qui est là. Salut Elisa. Salut Camille, salut Jérémy. Ah, salut Elisa. Elisa, tu vas jouer avec nous. Oula. Jérémy, Elisa, est-ce que vous connaissez Macklemore? Bien sûr. Oui. Lors d'un de ses concerts, il y a quelques mois à Bratislava en Slovaquie, il y a une fan à lui, du chanteur, qui est montée sur scène et elle a vécu son moment de gloire. Sauf qu'elle l'a vite regretté. Que s'est-il passé pour elle? Elle est montée sur scène, elle a eu son moment de gloire. Que s'est-il passé pour elle? Elle est tombée. Non, c'est pas ça. C'est incroyable ce qui lui arrive. Est-ce que ça s'est bien passé pour elle sur scène? Elle a passé un bon moment? Le moment de la scène est parfait. Macklemore d'ailleurs est adorable avec elle sur scène. C'est vraiment un moment de partage. Il est très con. C'est pas une fille qui monte de force, hein. Ouais. C'est un vrai moment de partage. C'est un beau moment sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Attends, c'est peut-être elle a été filmée, elle a été reconnue. Exactement. Ouais. Ah! Et donc elle était pas censée être là. Elle était recherchée par la police. Elle est recherchée par la police de plusieurs pays européens. Alors, wow, j'explique, elle a rien fait de grave. C'est incroyable. En fait, c'est ces jeunes hommes et jeunes femmes qu'on appelle les strikers, je crois, hein, et qui courent tout nus sur les terrains. Sauf que c'est interdit dans les pays. Et donc, quand ils arrivent à s'échapper des stades, après, ils sont recherchés. Donc, elle avait plein d'amendes à payer. Ah, la pauvre. Bah, la pauvre, ouais. Et donc, elle s'est retrouvée sur scène pour faire la fête. Il y a un gars, petite poucave, hein, qui l'a reconnue. Mais et non, qui a balancé non. La police. Oh. Elle a peu le temps derrière, elle était dans le staff de Macklemore en mode bah merci d'être montée. La police est intervenue, boum, elle s'est fait arrêter, elle est partie en prison. Non. Prison, emprisonnée. Hein. Ah ouais, emprisonnée. Connue sur un stade. Elle devait beaucoup d'amendes, comme ça pas pété zin, pourquoi? Elle avait une dizaine d'amendes en retard. Je parle pas de ça. Une dizaine, oui. Pas moi. Une dizaine de stades. Ouais, monte pas sur la scène de l'Olympia, toi. Mais c'est fou, non? C'est fou, c'est complètement fou. C'est incroyable. Est-ce que t'as eu des dingueries, toi, sur scène qui te sont déjà arrivées? Ah ouais, je suis tombé de scène. Ouais, on connaît la hache, tout ça. C'est non, non, non, pour de vrai, je suis tombé de scène. Il y a des vidéos sur Internet. Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'es tombé vraiment fort? Ouais, je suis tombé. T'as raté la scène. tu me vois plus d'un coup. Ouf. Ah, wow. Une scène assez grande, en plus. On a fait du bateau sur les gens. Oh, wow. Ouais, pneumatique, là, tu te lances. Avec le raft comme ça, ouais, ok. Ouais, incroyable. Il m'est arrivé d'avoir d'abord d'être en indigestion. Ok, ah, on a et pas pouvoir jouer. Et si. Bah ouais. Bah, ah oui, genre en prévoyance des deux côtés au cas où. Voilà, ouais. Show factif quoi, comme spectacle. Il y avait une ambiance. C'est non, il m'est arrivé pas le soir pour raconter l'histoire de la hache. C'est pas le meilleur soir. Il m'est arrivé plein de choses, mais des choses aussi très très heureuses. Hein. Des moments où il y a des enfants qui montent sur scène. Dernièrement, j'ai fait monter les gens sur scène parce que la scène était à même le sol et donc ils pouvaient y accéder. Et j'ai fait une chenille. Ah génial. Je te jure, quand j'étais en haut des tribunes, il y avait encore les gens en bas sur scène tellement elle était longue. J'adore les chenilles. Ah j'adore. Moi j'adore les chenilles, mais sur la danse au canard là. Eh ben écoutez, dans un instant on fera peut-être une chenille. Allez, sur avec ou sans. Non, on va respecter le moment. Ça va être en direct, Jérémy Frérot en direct avec nous qui va chanter, d'accord Elisa? Mais ben avec plaisir. Avec ou sans. Et on a aussi un jeu qui arrive dans un instant avec Jérémy, va vous faire gagner un cadeau. Restez avec nous, on est en direct sur Énergie avec ou sans en live dans 2 secondes, bougez pas. Découvrez tous les nouveaux hits tous les jours sur Énergie. Numéro 1 sur les nouveaux hits. C'est Énergie. Carrefour. Quand vous me dites les concombres coupés en rondelles avec un peu de ciboulette, il n'y a pas mieux. Eh bien, je vous réponds que les concombres origine France sont à 84 centimes la pièce. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, calibre 300-400 grammes, détails sur carrefour.fr. Et si vous succombiez au savoir-faire français? DS Automobile présente DS3 Édition France. Richement dotée et produite en France, cette nouvelle édition limitée, forgée dans l'élégance, vous séduira avec ses finitions dorées. DS3 Édition France 100% électrique, à partir de 290€ par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Pensez à covoiturer. Énergie présente les déferlantes Sud de France. Du 26 au 29 juin à Port-Barcarès, retrouvez Camila Cabello, DJ Snake, J Balvin, Big Flo et Oli et bien d'autres. Infos et réservations, énergie.fr et festival-lesdéferlantes.com. Les déferlantes Sud de France, un événement Énergie. It's music only. Mais où peut-on trouver du rôti de porc à 3,79€ le kilo? Seulement 3,79€ le kilo? L'affaire est dans le sac. Oui, et bientôt dans le four. Et en plus, c'est de la viande française. Encore mieux. Alors ne ratez pas tous nos inratables du marché. Du 1er au 5 avril, le rôti de porc origine France est à 3,79€ le kilo. Dans vos magasins U et sur courseu.com. Filet ou échine de porc sans os à rôtir. Offre valable dans les magasins participants, équipés d'un rayon à la coupe ou libre service emballé sur place pour un retrait du 1er au 5 avril. Voir conditions sur magasin-u.com. L'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, il y a un pépin. On est encore paumé. Et comme leurs chaussons, en ce moment, les 3 chaussons aux pommes cuits sur place, dont un offert, sont à 1,70€. 57 centimes le chausson aux pommes. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 5,40€ le kilo pour 3, 8,10€ le kilo pour 1, 85 centimes la pièce. Cuit sur place dans les supermarchés disposant d'un point chaud. Offre valable jusqu'au 2 avril. Plus d'informations sur Lidl. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Sport 2000. Oh là là, mais attendez, ça joue chez Sport 2000. Ah effectivement, quel match, c'est incroyable. Et regardez, Madame Dubois qui est débarquée à la première caisse. Elle tend ses vieilles baskets et oui, elle réussit une reprise de volée. Ça, c'est une reprise gagnante. Et des deux pieds, s'il vous plaît. Va y avoir du sport chez Sport 2000. Jusqu'au 20 avril, pour une paire de chaussures rapportées, recevez jusqu'à 30€ de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Sport 2000. Conditions et magasins participants sur sport2000.fr. Bonjour. Vous connaissez le dicton, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors renouvelez votre flotte avec la gamme utilitaire Peugeot, thermique ou électrique. Bénéficiez dès maintenant d'une prime CEE jusqu'à 4 500 € grâce au dispositif certificat d'économie d'énergie. Et pendant le temps des pros, profitez de jusqu'à 15 000 € d'avantages clients sur nos utilitaires, prime CEE incluse. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Conditions sur Peugeot.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous avez des asperges françaises? J'aime trop. Oui, profitez-en, la saison est courte. Et vous pourriez pas prolonger un peu? Disons, toute l'année? Le bon moment, c'est du 2 au 5 avril. La botte ou le sachet de 500 grammes d'asperges violettes françaises est à 4,45 €. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 8,90 € le kilo, catégorie 1, calibre 16, 22 mm, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour bien finir la journée, il n'y a qu'une chose à faire. Écoutez Camille Combal sur Énergie. On est en direct, on est sur Énergie. Les copains, il est quasiment 17h. J'espère que tout va bien pour vous, à la maison ou en voiture. On est trop content de l'avoir. Il part sur une tournée des Zéniths en 2026. Jérémy Frérot est avec nous. Il va même nous chanter un titre en live. Yes. C'est pas trop cool ça. Troisième single de l'album Gamin des Sables. C'est Avec ou Sans. Jérémy Frérot en direct. Oh yeah Des jours sans rire et sans soleil, des jours où l'on comprend que tout ira plus mal que la veille, des jours où l'on apprend, y a des jours sentiments mais sans plaisir, des jours où l'on voudrait partir, sentir un peu d'amour et de douceur ces jours. Je les connais par cœur, y a des jours sans et des jours avec eux. Tout est dans la tête, y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend, y a des jours sans et des jours qu'on aime, des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on devient plus grand, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même, avec ou sans. Avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Y a des jours où tout est possible, où tout devient facile, des jours avec une bonne étoile, où rien ne pourra finir mal, des jours avec mes deux gamins, à plus penser à rien, des dimanches matins, des matins plaisirs, où on pourra dire y a des jours sans et des jours avec. Tout est dans la tête, y a des jours sans qui deviendront peut-être des jours comme on l'entend, y a des jours sans et des jours qu'on aime, des jours où l'on se sent tellement puissant que face à nos problèmes, on devient plus grand, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Si le monde est beau, si le monde est grand, ce sera un jour avec, si le ciel est gris, que le monde attend, ce sera un jour sans, il y aura des gens aigris, des gens aimants. Là sous ma fenêtre, on fera mieux qu'hier et moins bien qu'aujourd'hui. Et toujours de l'avant, y'a des jours sans et des jours avec. Avec ou sans, y'a des jours sans qui deviendront peut-être. Avec ou sans, y'a des jours sans et des jours qu'on aime. Avec ou sans, tellement puissant que face à nos problèmes. Avec ou sans. Oh, génial! Yeah. Jérémy Frérot en direct sur Énergie. Rejoins-nous tranquillement à la table. C'est génial et en même temps j'ai un peu envie de te... J'ai un peu envie de te casser la gueule quand même. Ça chante bien, hein, c'est beau gosse. Je suis content parce que je l'aime beaucoup, mais d'un autre côté, si je pouvais te péter la clavicule. Elle est juste là, elle tape une fois. Je cherche la hache dans le vide. Non, c'est vrai, hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oh, et Rémi, encore plus, parce que je sais que ta femme... Ouais, j'ai un problème avec toi, Jérém. Ah, merde. T'es sur la wishlist, mais tu sais, ça, souvent, tu dis, ouais, alors toi, si vraiment tu devais craquer, bah, ce serait, je sais pas, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, tu vois, Timothée Chalamet. Et toi, c'est toi, quoi. C'est ma meuf, ouais. Ah, vraiment, là, tu vois, j'étais pris en photo pendant ton live et je le voyais même. Je dis, tiens, regarde, je suis avec ton mec. Mais tu cherches toi aussi. je lui ai dit, je suis avec ton mec, tu vois, regarde. Ah, cool, alors embrasse-le. Tu sais, c'est pas de non, bah arrête. Mais ce qu'elle m'a fait, vraiment, j'en parle ouvertement sans problème. Elle t'a vu à l'époque sur The Voice. Ouais. Tu vois? J'ai peur de ça. Non, écoute bien. Et elle t'a regardé. Et je l'ai regardé à ce moment-là. J'ai dit, là, il se passe quelque chose. Elle m'a dit, ouais, pardon, je me contrôle pas. Oh là là. Énorme kiff de rouge, tout, machin. Elle essayait de retourner le château d'Axe à la maison. Pour te prendre dans la team. Elle était là, attends, descendre. Et trop loin. Et depuis ce temps, bah voilà, ça. C'est toujours là, quoi. C'est gênant, hein. Oui. Voilà, c'est ça quoi dire. C'est un peu comme quand on te voit chanter, t'es cool et c'est en même temps t'énerve. Et là c'est pareil, c'est un compliment en même temps, je sais pas comment gérer. C'est un couple qui a l'air ouvert. J'ai l'impression qu'il est en train de te faire une petite proposition. Il va passer boire l'apéro à la maison. Ah, on est là-dessus quand même. Tu nous feras cette blague. Voilà. Et tu peux passer avec Michel Pfeiffer, comme ça on a chacun ça. Bien sûr. Alors on va faire un jeu avec toi pour essayer de faire gagner quelqu'un. J'y arrive. On va pas te laisser partir comme ça. On a des très beaux cadeaux. Il y a Ophélie qui est avec nous. Ça va Ophélie? Oui, ça va très bien. Bonjour Camille. Bonjour Jérémy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ophélie, j'aime ton énergie parce que t'es plus calme que nous et ça fait beaucoup de bien. On se calme un peu. Il y a mon fils qui est là aussi. Tu veux lui parler? Je suis pas dans la même ambiance, même si j'entends bien. Ah bonjour. Tu dis bonjour Ophélie? Tu dis bonjour? Ah, il pèse un peu. Ophélie, écoute bien. Le principe est très simple, on va jouer au jeu du post-it. Yes. Jérôme, tu vas sortir du studio, faire un peu le point sur ta vie là. Attends, deux secondes, je t'explique le jeu, il est déjà parti celui-là. Jérôme, tu sors du studio. Ouais. Pendant ce temps, on va se mettre d'accord sur une personnalité. Quand tu vas rentrer en studio, tu nous poseras toutes les questions que tu veux. On ne pourra répondre que par oui ou par non. Okay. C'est quelqu'un qui existe. Ou pas, tu nous demanderas, ce sera peut-être ta première question. Okay. D'accord? Faut que tu devines quelle est la personne, avec que des oui ou des non, on te répondra. Si tu trouves en 1:30, Ophélie. Mais c'est tellement la pression. Ah ouais, Ophélie, elle gagne un cadeau. Mais c'est l'horreur. Faut que je gagne. T'habites où, Ophélie? J'habite à côté d'Avel Rideau. Alors, à Lignières de Touraine. C'est vers. Pardon, sans faire offense, c'est vers Tours? Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, très bien. Donc, du côté de Tours, eh bien, nous t'offrons soit un Airfryer, soit une PS5. Qu'est-ce que tu préfères? Oh là là là là là là. Mon cœur de maman me dit une PS5, mais en même temps, le Airfryer, ça peut être sympa aussi. C'est très sympa, le Airfryer. Choisis ça. Ouais. Attends, mais t'as pas gagné encore. Si le jeu avait eu lieu. On verra après. Bon, t'as le temps de choisir. Ouais. Jérémy, je te laisse aller tranquillement dans le couloir. Et on va se mettre d'accord sur une personne. Ophélie, tu restes à l'antenne avec nous, mais tu pourras pas tricher, bien sûr. Ah. Pense à toi, Ophélie. Je sais exactement qui on va choisir. Refus de penser à nos gosses. Je sais exactement qui on va choisir. J'ai pensé un peu à tout le monde quand même. Oui, si vous nous rejoignez à l'instant, Jérémy nous a fait une blague et il nous a raconté l'histoire dans un supermarché avec soi-disant un vieux monsieur qui l'a attaqué avec une hache, qui s'avérait être en fait son fiacre. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on imagine qu'on est ce gars-là. Ah, okay. Le vieux monsieur. Donc, il doit trouver le vieux monsieur de l'anecdote. Monsieur. D'accord, il a pas donné de prénom. La personne âgée de son anecdote. D'accord? Ok. Okay. Bah, il va jamais trouver. Jamais. Et bah, tant pis pour lui, il est capable de jouer de nous. Allez. Attention, on le fait rentrer. Bonsoir. Bienvenue. C'est une pression. Tu imagines, ce serait le vrai bonjour, ce serait le premier bonjour. Bonsoir. Bienvenue, personne ne se parle. Jérémy, 1:30, bonne chance. Alors, est-ce qu'il existe? Non. Non. Ok. C'est un dessin animé? Non. Waouh, purée, c'est horrible. Est-ce que il est décédé? Non. Il a existé? Il a pas existé? Non, il existe pas. C'est un film? Non. C'est un acteur? C'est un animal? Non. C'est un personnage imaginaire. C'est un personnage imaginaire. C'est dans la religion? Non. C'est Je ne pars pas sur ce terrain-là. Est-ce que... Réfléchis. Mais c'est pas un animal, c'est pas un être humain, c'est un personnage imaginaire. Ouais, c'est un personnage imaginaire. C'est est-ce qu'il est grand? Oh, bah, non. Est-ce qu'il vole? Non. Est-ce qu'il est... Ah oui, il vole, oui. Ah, il vole, mais... Ouais. Il est sur Terre? Tu l'entends. Il vole pas en l'air. Il vole des choses. Ah. C'est un voleur. C'était une certaine période de l'année. Certaine période de l'année. genre à Noël. On sait pas la période. En tout cas, il voulait partir en vacances. Il veut. Ah putain, je sais pas. Il est perdu. Il volait des choses pour partir en vacances. Apparemment, il avait une compagne aussi. Hein? Mais c'est. Je sais pas, c'est horrible. Rassemble tes idées depuis ton arrivée ici. Rassemble tes idées. Depuis ton arrivée dans le studio. Ah, c'est le vieux monsieur? Oui, le monsieur dans la voiture. Oh putain. Mais il est. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas, mais c'est un être humain quand même. Ah oui. Ah oui, moi j'étais en train de partir dans une licorne, un truc, une gargouille. Tu nous as pas demandé si c'était un être humain. T'as dit un animal, un dessin animé. On en refait un vrai. On en refait un, non? Ouais, on en refait un. Allez. Ophélie, t'as gagné. Ah, mais on en refait un pour le plaisir quand même. Allez. Choisis encore entre la PS5 et le Air Fryer. Qui on prend? Quoi? La femme de Rémi. Ah ouais, mais c'est encore pas un... Il va encore dire c'est un personnage. Ah oui. Mais bon, elle existe, hein, en revanche. Ah, elle existe. D'après ce que... Ouais. Si tu veux qu'on choisisse. Tu comprennes Choupi? Ah, on peut... Tu comprennes Choupi? Tu comprennes Astérix? Astérix? On prend Astérix? Je crois qu'il veut dire, ouais. On prend quoi, Astérix? Ouais, si vous voulez. Ouais, vous avez vraiment fait un ouais, si vous voulez. Non, mais attends, c'est quoi le thème de sa chanson? Sa dernière chanson? Avec Oussan. Avec Oussan. Il parle pas de quelqu'un? Ah, mais non, il parle pas de quelqu'un précisément. Okay, bon, Choupi, c'est pas mal aussi, il a deux enfants. Ça va être marrant. Ouais, mais je connais pas toute l'histoire. Bon, allez. Allez, Astérix. Non, ça Tony Braxton, vous connaissez l'histoire? Ah ouais. On parlait de Tony Braxton tout à l'heure. C'est quoi? C'est une chanteuse? Pas trop, quoi. Elle est américaine? Attends, lui, il a dit que c'était quoi sa chanson de rupture? Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Ah, non, il a allez, pas dit. Alors... Hey, vous savez quoi? Justin Bieber. Allez, c'est allez, let's go. Allez, ok, allez. T'expliqueras qui c'est, mon fils. Reste sur Choupi. Bah, faites-le rentrer! Les gars, t'es parti au Cap Ferret ou quoi? J'ai bronzé, t'as vu? C'est parti, top chrono. Alors, c'est une personne? Oui. Oui. Elle existe? Oui. Elle existe. On, oui. On en a parlé aujourd'hui ou pas? Oui. Oui. On en a parlé. C'est une personne, donc, féminine? Non. Non. Masculin? Oui. Masculin, acteur? Non. Non. Chanteur? Oui. Chanteur masculin de chanson de rupture. Oui. Oui. C'est Justin Bieber. Oui. Franchement, moi, à chaque fois, je suis bluffée. C'est pas évident. Ah non, non. C'est pas évident. J'adore ce jeu, mais j'aime pas y jouer. Non, j'aime faire jouer. Ouais, ouais, c'est vrai. Ophélie, t'as gagné deux fois. Donc, t'as deux PS5 ou deux Air Fryer. Non, c'est pas vrai. Ah, bah, un choc. T'en auras un. Hein. Tu veux quoi alors? Ouais, un modèle hybride. Une PS5. PS5, ouais, je l'ai pas encore la hybride qui fait les beignets de courgettes et GTA. On l'a pas encore, mais dès que je l'ai, je te l'envoie, je te le jure. Bravo Ophélie. Merci beaucoup à tous, vous êtes trop forts. Tu veux surtout remercier Jérémy, hein. Bah oui, merci beaucoup Jérémy, de rien. Écoute, c'est trop fort, vraiment. Avec plaisir. C'est grâce à lui. Bravo. C'est Le nouveau single avec Oussan, on va mettre le podcast dans quelques minutes, vous pourrez entendre le live bien sûr. L'album c'est Gamin des Sables et surtout il y a une tournée qui est en cours dans toute la France, il y a du Vierzon, il y a du Dole, il y a du Chambéry, mais surtout une tournée des Zéniths en 2026, Lille, Bordeaux, Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, ça va être fou. Allez applaudir Jérémy frérot, merci d'être venu nous merci voir. Merci pour cette promotion, c'était très très agréable, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de t'avoir, tu reviens quand t'es sur Paris là. Avec plaisir. Hein, je vous ramène le planche, soleil. Quand on lâche un peu son bassin là, quand t'as plus de wax. Du coup, je pourrais être hébergé. C'est ça. Bien sûr, on passe ça. À la maison. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça, y a pas de problème. Puis moi, j'hébergerai Rem. Ce soir, il dormira mieux chez moi. Rem bah, sur ça. Le canapé. Oh, t'imagines ça. Mais qu'est-ce qui t'a non, je sais rien si j'avais frérot qui est passé à la maison. Oh, j'ai laissé mon lit. Voyons, moi, j'ai le sens de la calme. Ok, ils ont l'air de se marrer, hein. Ils dorment tard, hein. J'ai pas de nouvelles, ça a l'air de bien se passer. Ophélie, encore un gros bisou à toi. Jérémy, merci d'être venu. On s'écoute tout de suite. Charlotte Cardin sur Énergie. Très belle après-midi, tout le monde. On est en direct avec vous jusqu'à 19h. Il y a encore plein de choses qui arrivent dans l'émission. Bougez pas. Y a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. ironique. Plus à Tanger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. Oh, il est 17h, 17h06, Jérémy Frérot vient de nous quitter, je le disais il y a deux secondes, mais les podcasts, vous entendrez le live et l'histoire de la hache. Bon, alors, le dit comme ça, c'est bizarre, mais vous verrez, vous passerez un bon moment, on met les heures au fur et à mesure, bien sûr, on est en direct avec vous. Là, c'est jusqu'à 19h sur Énergie, je vous souhaite une très belle après-midi. Rémi, ça va? À pleine forme. Émilie, ça va? Très bien. Il est trop sympa. Merci, hein. Ah ouais. Jeune. On devrait faire la fête avec lui, tu vois. Bien sûr. Il y a de ça, il est trop sympathique, celui-là. Alors. Il y a Adeline qui est avec nous. Ça va, Adeline? Salut, Camille. Salut, l'équipe. Alors, si vous êtes en train de préparer vos prochaines vacances, petit conseil, évitez Venise. Ah bon? Allez. Ah. Ok. Là où entre le 24 et 26 juin prochain. Il y en a qui ont la chance d'aller prévu d'aller en week-end en amoureux à Venise. N'y allez pas à cette date-là. Ça va être la pagaille. Pourquoi? Est-ce que vous le savez? L'immense pagaille. Le bal? Non, ouais, il y a le fameux. Ouais, pas au bal, mais. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça pas cette en période-là. Février, non, le carnaval. Ouais, on sait pas. Mais en tout cas, oui, il y a ce grand truc tous les ans. Non. Marée basse. Il y a plus d'eau, c'est galère. Ouais, exactement. Ouais, c'est marée basse de ce moment-là, donc n'y allez pas. Faut pas y aller. Bien sûr que non. Bah oui, pendant deux jours, n'y allez pas. Non. Il y a un événement privé qui va mettre sans dessus de souvenirs. Ah, je sais. Vas-y. C'est le mariage de Jeff Bezos. Le mariage de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il va se marier là-bas. Écoutez bien, il a quasiment privatisé Venise. Bah, tu m'étonnes. Quasiment. Si j'avais son argent, je ferais pareil, hein. Jeff Bezos, homme chauve et riche, comme Rémi. Enlève le riche, quoi. Pour l'instant, je suis un homme échaud, mais tu peux enlever le riche. Pour rappel, un PDG d'Amazon, fortune estimée, 209 milliards. Deuxième homme le plus riche au monde. Sachant qu'il a eu un divorce, il lui a pris la moitié de sa fortune il y a peut-être 5 ans. Ouais. Sinon, je te laisse vous imaginer où il est, celui-là. Ouais. D'accord? Ouais. Parce qu'on lui en a pris la moitié, hein. C'est fou. Tu te rends compte, là? On parlait de, le loto, là, hier. Mmh. En disant 241 milliards. Lui, c'est 209 milliards! Ouais. C'est de l'argent de poche pour lui, on sait même pas ce que Venise, écoute bien, sera le mariage de l'année à Venise du 24 au 26 juin avec Lauren Sanchez, présentatrice de télé américaine. Mmh. Ouais. Allez, la classe un peu, hein. Ouais. Un peu comme si, je sais pas, il se mariait avec Faustine Bollard, quoi. C'est présentatrice là-bas, américaine, quoi. 250 invités, dont Leonardo DiCaprio. Oh. Katy Perry. Orlando Bloom, forcément, ce sont plus un, hein. Robert Pattinson. Barbara Streisand. Kris Jenner, Eva Longoria, Oprah Winfrey, Dominique Chapat, Shirley Edino. Bref. Tout le gratin. Tu voyais qui c'est ou pas? Les Boudins. Les Boudins, y a pas de lui. Les Boudins. C'est Boudin ou les Boudins? Mais les Boudins, ils existent pas. Je vois ça que sur C8, à chaque fois, qui n'existe plus, mais. Bon, bref, tout le gratin sera là. Le couple aurait privatisé l'intégralité des gondoles de la ville. Alors, c'est cool. Il peut le faire. Moi, je Bien comprends, sûr. Mais d'un autre côté, t'es touriste. Toi, t'as préparé depuis 2 ans, t'es venu à Venise, t'es trop heureux d'amener ta femme, t'as pas une gondole. Il y a plus une gondole dans Venise. C'est fou. Ouais, il a privatisé 100%. Mais attends, t'es en week-end, toi, et clair. Tu dis, attends, on peut pas faire un tour de gondole. Bah non, c'est tout pour Jeff. Tous les couples qui ont prévu leur voyage de noces et tout machin, c'est pas cool. Mais moi, je pense que les hôtels ont été entièrement bookés et qu'il y a plus de place, en fait. Personne ne sera à Venise à ce moment-là. Bah, en tout cas, il a privatisé une grande partie. Après, il l'a pas volé, hein. Ouais. Il le fait, il privatise, tu vois. tout cas 209 milliards. Le traiteur, c'est pas qui va le charger, mon pote. Imagine, c'est Jeff Bezos qui demande des devis. Oh, bah, les mecs, ils doivent se faire plaisir. Il doit avoir des gens qui organisent, qui quand même négocient. Hein. Ah, tu mais crois sûr, qu'ils négocient, Jeff évidemment, Bezos la Vérine. Évidemment. La Vérine, ouais. Elle part à 7 euros, ah ouais, max. Hein. Le tartare saumon avocat, tu le connais, celui-là. Attends. Est-ce que tu crois les gars, c'est les plus rares en plus, quoi. Bah, on sait pas. Bah, là, il a pas l'air, en tout cas. Hein. Sur le papier, là, quand même, ça a l'air d'être un événement de dingue. Mais surtout, tu crois que les invités, genre, Mondicap, tu crois qu'il va arriver, il va falloir qu'ils cherchent un petit distributeur, parce que pour le mettre dans l'enveloppe. Bah, j'ai rien, les gars. Comment tu mets dans l'enveloppe du mariage de Jeff Bezos? Bah, maman, la pression. Pardon. C'est vrai, c'est une bonne question. Bah, ouais. Moi, je viens qu'avec des trucs, tu vois, des petits produits, quoi. Lui faire découvrir autre chose, puis il a tout. T'essaies de lui faire découvrir des trucs. Qu'est-ce que t'apportes? Tiens, t'es invité demain au mariage de Jeff Bezos. Émilie, t'apportes quoi comme cadeau? Mon rib. Ah, donc c'est lui qui te fait un cadeau. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à Jeff Bezos? En vrai, bah, peut-être... allez, imaginons un truc auquel il aurait absolument pas accès. Tiens. Qui sait jouer en Turquie, peut-être. Apparemment, il a pas eu les codes promo, apparemment. Il a eu l'info. Non, Rémi, t'apportes quoi? Que des produits Ardéchois. Pour lui faire découvrir. Mais c'est très bien. Sorte de oui, un figadé, Lou. Ouais, voilà. Non, mais il faut lui faire découvrir des trucs. Et si ça lui plaît, si c'est bien. Très bon délire. L'Ardèche, t'as à l'abri de me racheter peut-être un truc, un village là-bas. Ou mais voyez comment vous êtes. Il vous invite au mariage, toi t'amènes le riz, toi tu veux déjà qu'il t'achète un village. Vous savez quoi? Vous avez le même problème, Jeff Bezos. Il a le même problème que Steve Sanders dans Beverly Hills. Si on sait pas si on l'aime pour lui ou pour son argent. C'est vrai, t'as raison. Et Steve, il était malheureux. Il te rappelle pas, avec ses copines, ce qu'il faisait? Il offrait une médaille toute pourrie. En disant, est-ce qu'elle va l'accepter ou pas? Et chaque fois, les filles disaient, non, mais attends, je m'attendais à autre chose. Et du coup, il savait qu'il l'aimait pas pour lui. Ah, il l'aimait pour son argent. Ça a été le drame de toute la scolarité de Steve Sanders. C'est vrai, t'as raison. On est nuls. On est mal élevés. Non, mais attendez, pas de belles valeurs. Mais vous avez vu? Il a de l'argent. Mais les deux, vous lui demandez de l'argent. T'amènes quoi, toi, Adeline? Tu t'amènes quoi au mariage? Bah, déjà, je lui fais cadeau de ma présence, c'est pas mal. Ah, tu vois? C'est pas mal, genre. Juste pour la blague, je m'offrirais une carte cadeau, c'est discount. Et ben, je trouve que c'est une bonne idée. Tu as la concurrence. Eh ben voilà. Moi, j'offre Smartbox avec soit karting, soit en. Ouais, ULM. Je prendre un peu, quoi. C'est la Smartbox un peu punch, là. Un peu punchy, là. C'est le. Passion frisson. Ouais. Sensation forte. Ouais. Je suis sûr que c'est pas mal. Mais vous savez qu'il a changé, hein, Jeff Bezos. Hein. Avant, c'était un geek. Alors, si ça vous intéresse, il y a un très bon podcast qui s'appelle Scandale, qui retrace un peu sa vie. C'est passionnant. Moi, je fais ça quand je travaille. Je me mets un petit podcast et je nous écoute aussi, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Évidemment. Et donc, il était très geek, très rangé, avec une femme extrêmement brillante. Et le gars est tombé sur cette Lauren Sanchez, qui est sulfureuse, latino et tout. Et il se met à faire de la muscu, il est vachement... Waouh, il fait de la muscu. Non, mais t'as compris, genre vraiment. Il se met à faire des burpees. Non, mais genre il a vraiment changé, il est devenu show-off, il est ami avec toutes les choses. On dit show-off. Je peux jamais rien vous raconter, il y a rien qui vous intéresse. Ben, c'est pas ça. Après c'est pas un jour un destin non plus, tu vois. C'est pas prévu de faire le Wikipédia de Jeff Bezos non plus, quoi. J'avoue, mais vous aimez pas avoir le background des histoires. Ici. Alors je vous donne rapidement, on a le temps. Non, on n'a plus le temps. J'avais des clauses de mariage sur d'autres mariages, des clauses de dingue. Je vous les donne dans un instant. Allez. Ok. Avant ça, on s'écoute Lady Gaga, Abracadabra. J'en ai une sur Lady Gaga? Non, j'en ai pas. Jay-Z, la clause de mariage qu'il a, c'est dingue. Je vous en parle dans un instant. Tu restes avec nous, Adeline? Allez, c'est bon. J'arrive. Allez, ça part en prod. Merci à toi. On arrive dans un instant, en direct. Last meal. flies, watch it burn. Bienvenue à tous, on est en direct sur Énergie. Il y a Adeline qui est toujours avec nous. Ça va, Adeline ? Toujours là, ça va. Ok, il y a Rémi, il y a Émilie dans le studio, il y a également mon fils. C'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? C'est qui ? C'est qui ? C'est papa ! Ouais, bon, c'est pas vraiment lui. Un quart d'heure, je le fais répéter, il le sort pas. Il c'est qui le meilleur ? C'est qui le meilleur ? C'est qui ? Ouais, ah, presque, il est trop mignon. Ah ouais, il veut pas, il veut. Il est plus gulli, hein. Il veut que ce soit le nounours qui parle. Il veut que ce soit, excuse-moi, le doudou. Ah, doudou. Comment il a un prénom? Il a un prénom, c'est Mamounour, ouais, c'est long. L'histoire est longue, l'histoire est longue. Très bien. Tiens. Alors, attendez. Alors, on va, vous savez quoi? On fait une petite pause parce que là, je suis en mode crèche. Dans deux secondes, je lui donne une petite compote. Une purée de pommes. Et on se retrouve dans un instant, les copains, avec Damiano Davido sur l'indirect sur Énergie. Je fais un peu crèche en même temps, excusez-moi. Et faire la fête à Las Vegas. Avec la star Énergie, David Guetta. C'est David Guetta. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite, appelez Énergie 3937 et gagnez votre soirée. Avec transport et hôtel au Live Beach Fontainebleau à Las Vegas, qui accueille la résidence de David Guetta. Vous allez kiffer, il n'y a qu'Énergie qui peut vous offrir ça. Énergie. Hit music only. Et si vous succombiez au savoir-faire français ? DS Automobile présente DS3 Édition France. Richement dotée et produite en France, cette nouvelle édition limitée, forgée dans l'élégance, vous séduira avec ses finitions dorées. DS3 Édition France 100% électrique, à partir de 290 euros par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sport 2000. Oh là là, mais attendez, ça joue chez Sport 2000. Ah, effectivement, quel match, c'est incroyable. Et regardez, Madame Dubois qui est démarquée à la première caisse, elle tend ses vieilles baskets et oui, elle réussit une reprise de volée. Ça, c'est une reprise gagnante. Et des deux pieds, s'il vous plaît. Va y avoir du sport chez Sport 2000. Jusqu'au 20 avril, pour une paire de chaussures rapportées, recevez jusqu'à 30 euros de remise sur l'achat d'une nouvelle paire. Sport 2000. Conditions et magasins participants sur sport2000.fr. Eurorépar Car Service. Dis, tu vas où, toi, pour l'entretien et la réparation de ta voiture? Chez mon garagiste Eurorépar Car Service. Eurorépar Car Service? Oui, Eurorépar Car Service. Plus de 1400 garages partout en France. Et en ce moment, découvre le pneu Eurorépar Reliance All Season. Pratique, tu roules en sécurité toute l'année, peu importe le temps. Génial, j'y vais direct. Pour trouver le garage Eurorépar Car Service le plus proche de chez vous, rendez-vous sur eurorépar.fr. Eurorépar Car Service. Vous voulez encore plus de Manu dans le 6-10 sur Énergie ? Écoutez-le en podcast sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a ? Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées. Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record. En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de 200 euros de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150 gigas et plus. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99 euros par mois, engagement 24 mois, soit 192 euros au lieu de 392 euros après remboursement et reprise mobile. Conditions sur bouyguestelecom.fr. Un problème de pare-brise ? Chez Carglass, il y a toujours une solution pour vous. Il suffit d'aller sans attente sur carglass.fr. En plus, en ce moment, pour toute intervention pare-brise, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et oui, on vous l'offre jusqu'au 11 avril. Alors profitez-en et prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Les jours Puma sont chez Intersport. Bon l'équipe, qui est le plus content aujourd'hui ? Les fans de Puma ou leur portefeuille ? Ah bah les deux sans hésiter, jusqu'à moins 40% sur les sweats et les chaussures. Oh c'est le bonheur de la tête aux pieds quoi. Chez Intersport jusqu'au 6 avril, profitez de réductions jusqu'à moins 40% sur une sélection de vêtements et chaussures Puma. Offre réservée aux membres de notre programme de fidélité, la team Intersport. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. 100.3 à Paris en DAB+. Au paradis des enfants, le parc familial dans un écrin de verdure sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au paradis des enfants, de nombreuses attractions vous attendent. Des nouveaux manèges. Et surprise. 1 euro le manège. 1 euro le manège. Wow. Les manèges les moins chers d'Île-de-France. Au paradis des enfants. Ouvert tous les jours durant les vacances et hors vacances. Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Toutes les infos pratiques au paradisdesenfants.fr. Au paradisdesenfants.fr. Au paradis des enfants, le paradis des enfants. Envie de partir en vacances cet été? Découvrez les résidences Odalis Vacances. Odalis Vacances, ce sont plus de 150 adresses tout confort à la mer, à la montagne ou en pleine nature qui vous attendent partout en France et en Europe du Sud. Ne tardez plus et réservez vos vacances dès maintenant sur odalis-vacances.com. Contrôlez la qualité de vos réseaux d'eau et choisissez Aquaticia, le laboratoire numéro 1 en Île-de-France. Aquaticia réalise vos analyses de potabilité, de légionelles ou d'aliments. Aquaticia collecte vos échantillons en moins de 3 heures en Île-de-France. Contactez Aquaticia au 01 777 55 400. 01 777 55 400. Toujours plus de frissons, encore plus d'adrénaline. La Foire du Trône est de retour à partir du 4 avril. Avec cette année encore plus de nouveautés, des attractions pour toute la famille, des stands gourmands, des restaurants et bien sûr les autotamponneuses et les manèges à sensations. Vous êtes prêts? La Foire du Trône ouvre vendredi 4 avril à 16h et dure 2 mois. Retrouvez-nous jusqu'au 9 juin, pelouse de Reuilly, Paris 12e. Entrée gratuite, parking Bercy 2 puis navette petit train entièrement gratuit. Plus d'infos sur foiredutrône.com. Salut, c'est Philippe Etchebest pour un bon repas entre potes. Entre potes? Ah, nous aussi on veut savourer de bons petits plats, des produits frais et surtout la sauce Armelsia. Mais j'ai pas fini. Pour un bon repas entre potes ou entre copines, rendez-vous au Bistrot Régent. À 15,90€, c'est forcément un bon moment. Le Bistrot Régent, 2 allées des Coudrées à Corneille-en-Parisis et centre commercial Eden à Cervon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le parc zoologique de Paris vous invite à la rencontre de plus de 3000 animaux du monde entier. Cette année, laissez-vous surprendre par les stratégies collaboratives des loups, la mémoire spatio-temporelle des roussettes, la communication des babouins et plein d'autres surprises à découvrir en famille. Programmez votre visite et réservez dès maintenant sur parczoologiquedeparis.fr. Partez en vacances en famille ou entre amis avec Odalis Vacances et Énergie. Connectez-vous sur énergie.fr pour gagner votre séjour d'une semaine pour 4 personnes dans l'une des 150 destinations à la mer, à la montagne et à la campagne avec Odalis Vacances. Énergie, it's music only. Devine quoi? Les Gaulois sont de retour au parc Astérix. Alors, tu vas faire quoi en premier? Moi, je vais faire Pégase Express. Après, la tour de numéro bis. Après, Disco Bélix. Après, Osiris. Oh, après, je referai Pégase Express. Ah, bah ça tombe bien. Jusqu'au 7 mai, l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Et même qu'après, je vais faire tout à 10. Parc Astérix, on est comme ça, au pays des Gaulois. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Paris-Île-de-France. Énergie 100.3. Et en DAB+. Salut, c'est Denis Brognard. J'ai un conseil à vous donner. Tous les jours, écoutez Camille Combal sur Énergie. Et ma sentence, elle est... Oui, elle est irrévocable. Camille Combal, tous les jours, entre 16h et 19h sur Énergie. Ce soir, il y a Koh-Lanta sur TF1 et alors juste après, il y a Famille en Or ce soir. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Oh, sachez que l'émission de ce soir, je vous le dis jamais vraiment, je sais pas mon genre, mais là, je suis obligé de vous le dire, l'émission de ce soir, ne la loupez pas, elle est dingue. Ah ouais. Après Koh-Lanta, il y a un Famille en Or avec des gens que vous ne connaissez pas, une véritable famille, bien sûr, vous allez découvrir, une famille en face de comédiens. Et il se passe que des dingueries, on les a piégés, ils savent pas. Il y a une famille qui est venue jouer à Famille en Or et qui se fait piéger pendant une heure dans un faux jeu. C'est extraordinaire. Génial. Ok. Ça a marché. Un truc de dingue. J'avais trop peur que ça marche pas. Ça a marché. Ils piègent, ils y vont à fond. Le père de famille pète en plomb parce qu'il voit que la défaite est en train d'arriver, alors que les autres font des dingueries, il y a des demandes de mariage qui se passent mal. Bref. L'émission de ce soir, ne la ratez pas, de Famille en Or. Franchement, c'est ma préf. Mais c'est à quelle heure? À 23h30, 23h50, okay. Après Koh-Lanta. Mais c'est voilà, vrai qu'elle est. Moi, j'ai eu la chance d'y être. C'est fou ce qui se passe. À ce point, on peut pas imaginer à quel point tout fonctionne. Tout fonctionne. Ah, génial. Et alors là, je le dis, hein, rien n'est triché. Tout est vrai. On a vraiment piégé la famille parce que des fois en télé, c'est. Et là, non. Je vous dis, je jure, c'est vrai. Tellement rigolé à la soirée. Non, j'étais mal à l'aise parce que tu pièges quand même une famille. Donc t'es mal à l'aise, en fait. Oui. Moi, c'est que mon malaise. Mais c'est pas grave. L'émission, elle est géniale. Franchement, la loupez pas ce soir. Famille en or sur TF1. On écoute Damiano David tout de suite. On est avec vous sur Énergie jusqu'à 19h. Voilà, c'est de la radio, mais c'est vraiment, c'est nounou en même temps. J'ai mon fils qui appuie le micro avec le doudou. On va y arriver. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. On est en direct. Tout va bien se passer. In our hands, in a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks. Breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover, I'll be there to lick your tears. Son titre quand même, hein. Il est venu déjà deux fois nous voir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va revenir avant la fin de l'année. C'est tellement bien. Il était fatigué David. La dernière fois. Ah bah, il était claquos. Eh ben dis-toi, il était un peu moins fatigué que la première fois. Ah oui. Non, j'étais pas. C'est un ange, c'est un amour. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il tourne dans le monde entier. Chaque fois qu'il arrive, il nous raconte la veille, il était aux Oscars. Le lendemain, il est en Slovaquie. Il vit une vie de dingue. Donc en effet, il est fatigué. Mais ce que j'aime, c'est qu'il le dit. Ouais. Il arrive, il dit les gars, je suis crevé, content d'être là, mais mort. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est drôle et sympathique. Il est sympa, fera chemin. Adeline est toujours avec nous. Ça va, Adeline? Oui, toujours là, ça va. Merci d'avoir posé une demi-journée pour être avec nous. Impeccable. Il n'y a pas de souci. Alors, on est en train de parler mariage. Jeff Bezos, il se marie où? Il se marie à Venise. Quelle date? 21-25 juin. Eh ouais, c'est là, c'est qui m'a écouté, hein? 24-26, c'était pas loin, je le compte. 24-26 juin, il a quasiment privatisé le Venise. Venezia. Mais quand tu privatises, pardon, tu payes qui? La ville de Venise, je demande de l'argent. Je dis quasiment, c'est qu'il y a énormément d'hôtels qui sont pris, énormément de lieux de réception qui sont privatisés, mais surtout pour la protection. Vous avez vu, je vous ai donné la liste des gens qu'il y a. Il y a évidemment beaucoup de sécurité, et notamment, il y a plus de gondoles à louer. Vous y allez ce week-end-là, vous tombez, vous pouvez même pas faire votre petit tour en gondole à 60 euros les 30 minutes. Mais en même temps, si t'es sur ta gondole et que la gondole d'en face, t'as Leonardo DiCaprio avec je sais pas qui, ça vaut le coup de payer un peu cher, non? Non, mais là, il y en a plus. Ah, il y en a plus. Bon, bah, ils ont loué l'intégralité, c'est ce qui se dit dans l'article. Oui, hein. Oui. Et alors, j'ai d'autres, on parlait de mariage, donc il va se marier. J'ai des clauses de contrat de mariage de stars. Allez. Ok, à vous de retrouver ces clauses de contrat de mariage. Jay-Z, le rappeur, s'est engagé à donner $1 million à Beyoncé à chaque Adeline? Compris. Non. Non, il y avait une histoire, hein, je sais pas, il y avait à l'époque, parce qu'elle en avait même fait un album, donc on peut se permettre d'en parler. Il y avait eu, mais je sais pas s'il y en a beaucoup, ça je sais pas. année de mariage, en prestation compensatoire. Chaque année de mariage passée ensemble, ils donnent $1 million à Beyoncé. Une sorte de prime à l'ancienneté. En cas de divorce, il versera donc $1 million fois le nombre de passés. Ils sont déjà à 16 ans de mariage. Ah, ça fait pas mal. Mais écoutez, ça existe en France, ça s'appelle la prestation compensatoire. Ah ouais? Bien sûr. Tu verses à ton conjoint qui a moins de revenus que toi l'équivalent de la somme pour conserver son train de vie de quand il était avec toi. Non, mais ça, c'est une fois que tu divorces. Là, je te parle, c'est des contrats de mariage. Ah, tous les ans, elle prend $1 million juste pour être avec lui? Oui, par contrat de mariage, mais ça viendra peut-être que tu donneras pas après, je sais pas. Mais là, c'est pas du divorce, c'est des années de mariage. Ils sont toujours ensemble, tu dis, bien sûr. Tous les ans, elle se prend $1 million. Attendez, il y a aussi une prime de $5 million par enfant. Donc, s'il divorce aujourd'hui, 18 millions pour Queen Bee. Voilà. Ah, mais donc, ils ont pas fait de contrat de mariage parce que je crois que la fortune de Jay-Z est estimée à $500 millions. Ça veut dire que s'il sépare, il filera pas 250. Ce qui aurait pu être pas mal. Moi, enfin, 18 millions, je les prends, franchement. Oui, on les prend. Il y a beaucoup plus. Après, il y aura aussi la moitié. C'est comme ça. C'est parler de mariage. D'accord. Le calcul est pas bon, là. On n'y est pas. 16 ans de mariage, ça fait 16 millions. Ils ont au moins 2 enfants. 4. Ils ont 3 et 15. 3. Ouais. Ça fait 15, je retiens 4. Pour le coefficient de parentalité. Okay. La TVA. Voilà. Donc, moi, j'ai donné le quitus à mon agent. Donc, là, il n'y a pas de souci à mon syndic. Ça veut que dire que ça nous fait quand même du 31 millions d'euros. Ah ouais. Ah ouais. Elle est belle, l'histoire. Hein. Elle est belle, hein. Mark Zuckerberg. Il est marié avec sa femme, Priscilla Chan. Ils doivent passer au minimum 100 minutes par semaine à le faire, quoi. 100 minutes. Ah oui. Ce n'est pas la première chose à laquelle vous pensez, je vous rassure. C'est non, pas ça. Je l'ai lu, je l'ai écouté dans ce fameux podcast, juste à être ensemble. Et ça fait l'équivalent de pas grand chose. À passer du temps privilégié ensemble. Voilà, c'est-à-dire je veux dire, dormir ne compte pas. Ils doivent passer 100 minutes par semaine, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est rien, c'est rien. C'est ça qui est drôle. Et il doit être très occupé quand même. Une heure et demie avec ta femme par semaine. Déjà, quand tu comptes en minutes, c'est pas bon signe. Non, mais de temps privilégié. Non, mais vous voyez, de temps privilégié. Vous comprenez ce que je dis? Oui, même si c'est un dîner ou une sortie, 1h10, c'est pas énorme. Quoi. Non, je pense qu'il compte pas, il a pas le chrono. C'est une fois qu'il fait la sortie, si elle dure 2 heures. Mais en tout cas, globalement, ça veut dire au moins une soirée ensemble. Bah, des fois, tu l'as pas sur une semaine, les 100 minutes. C'est vrai. Ouais. Même nous. Qui n'avons pas inventé Facebook. Bah même non, toi qui n'as pas de mec surtout. Ouais, c'est vrai. Tu mets un mec là-dedans, je peux me permettre. Avec tout le respect. Hein. Avec tout le respect. Oui, non, mais je vous en prie. Merci d'appuyer là où ça fait mal. C'est pas grave. S'il divorce de sa femme, le rappeur et acteur américain Ice-T, vous le voyez toutes les semaines dans New York Unité Spéciale, Ice-T, récupérera quelque chose qu'il a offert à sa femme, quoi? Il a fait un cadeau à sa femme et s'il divorce... Non, c'est pas la bague. La bague? Ah non. Non. Ah, je pense à la bague aussi. Non, non, allez. Une maison? Non. Une voiture? Non. Ah, pas une voiture. Ah, c'est un objet quand même, ouais. C'est un truc matériel. C'est sur elle. Ah, c'est sa poitrine. Oh, wow. Ses implants fessiers, mais ma non. mère. Non. Qu'il a payé. Les gars, ils sont vraiment tarés. S'il divorce, c'est lui qui les récupère. Et il en fait quoi, pardon? Hein? Il en fait quoi? Piscine à balles. Il va se les mettre sur lui. C'est beau. Non, mais un anti-stress au bureau, enfin, c'est bizarre. C'est le petit chien sur lequel t'as ça s'appelle. Ouais, un petit squishy. Ma foi. Écoutez. Elle ne divorcera jamais. Tu peux pas? Bah, t'imagines, tu sais que tu perds tes implants fessiers, tes implants, ma mère. Bah, pardon, mais. Ouais, c'est bizarre. Tu restes à vie, hein. Bah, elle les refera, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, c'est lui qui les récupère. Voilà, ça partit du mariage de Jeff Bezos. Et on connaît les clauses de Jeff Bezos? Pas encore, mais son premier divorce lui avait coûté $38 milliards. Et moi, je l'admire, son ex-femme, parce qu'elle l'a fait exprès. Elle a donné plus de la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. C'est une fille brillantissime. Ouais. Mackenzie Scott. Exactement. Elle était là au tout début et après, voilà. Et c'est surtout avec elle qu'il a construit ça. C'est pour ça qu'elle a pris autant d'argent. Bien sûr. Ils ont monté l'empire Amazon. Elle a pris la moitié de l'époque depuis, Amazon a prospéré, mais elle a pris la moitié de sa fortune à l'époque où ils ont divorcé. Oui, c'était ça. Mais pas qu'avec son statut d'ex-femme, avec un statut d'associée et de fondatrice d'Amazon, elle aussi. D'accord, très bien. Voilà, vraiment, on a un jour à destin. En tout cas, c'est marrant parce qu'il n'y a vraiment pas un gars que j'imagine faire une chenille. C'est mon Jeff Bezos le soir du mariage. C'est clair. Bon, tu serais étonné parce que elle est loin d'être chic, hein, la nouvelle femme. Oh. J'aime bien, je pense. On dirait ma mère, tu sais. Oui, alors tu sais, celle-là, elle est olé olé. Encore une belle sororité, là. Ça fait bien. Non, mais elle est sûrement très sympa. Regarde comme il a l'air épanoui, le mec. Ça le rend heureux, c'est bien. Ouais, mais c'est l'essentiel. On va écouter Adeline. Non, on va écouter Dr Yaro pour Adeline, ça te dit? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Consultation gratuite, là. Docteur Yaro, au minimum ça. On est sur énergie. Belle après-midi, tout le monde. Moi, j'ai mérité le repos, minimum ça. VH, un vite au minimum 6. Minon sur le déco, minimum 3. Un minimum ça. Mérité le repos, minimum ça. VH, un vite au minimum 6. Minon sur le déco, minimum 3. Un minimum ça. Tazo. 10 sur 10, c'est la notation. Allez, pina cotazo. J'suis numéro 1 sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais 2-3 comptes en Suisse. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'ai mérité le repos minimum 5. Fais acheter un vito minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VH un vito minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Bina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez Bina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. J'ai dit de Dieu, y'en a, tu peux laisser tomber pour ma rage. J'ai dit juste de Dieu, y'en a, le pot bien mérité pour moi. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'sais moi, j'ai mérité le repos minimum 5. Fais acheter un vito minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5, mérité le repos minimum 5. VH un vito minimum 6. Minon sur le déco minimum 3. Un minimum 5. On y va, c'est Bienvenue, on est sur énergie, on est là jusqu'à 19h. Qu'est-ce que tu vas faire si tu nous aimes pas? T'as pas de choix. On est en podcast aussi, bien sûr, chaque soir. Émilie Rémy, merci d'être là. Oui. Oh bah oui, on a un bug de standard, mais on me dit qu'on a quand même une Lara, c'est ça? Ouais, on a. Bon, j'ai branché mon téléphone en Bluetooth dans la radio. Normalement, on l'entend. On l'entend? Bah, normalement, ouais. Lara, t'es là? Salut, salut. Salut, ouais, Camille. Ouais. Salut, toute l'équipe. Ah ouais, t'es vraiment en ULM alors. Elle est à la Sibi. On a l'impression d'avoir Nicolas Hulot dans Ushuaïa pour les plus jeunes. Ah, désolé, hein. On a un problème, on a le standard qui a bugué. Ah, mince. Arrive, hein. Donc là, vous pouvez pas nous appeler actuellement. Je l'ai même pas donné ce soir. 0870 42 48. C'est le numéro pour nous joindre. Je le donne au moment où ça marche pas, évidemment. Je l'ai pas donné tout le temps où ça marchait. Lara, merci d'être là. Eh ben, merci à vous. Avec grand plaisir. Canal 22, il y a des papas 22 sur la route, Gizmo. Pour Gizmo 24, est-ce qu'il y a des papas 22 sur l'échangeur de Ronnie? Un homme vient d'être jugé au tribunal correctionnel de Bourges. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 1000 euros d'amende pour avoir cultivé du cannabis dans la forêt de Vierzon. Mm-hmm. Pas bien de faire ça. Bah non. Cultiver du cannabis dans la forêt de Vierzon. Ma question est la suivante. Ouais, c'est vraiment l'interro, je suis au bac français là. Ma question est la suivante. Comment les policiers ont-ils réussi à l'arrêter en pleine forêt? En pleine forêt, ils l'ont pris en flagrant délit en train de gérer ses plants de cannabis. Comment s'y sont-ils pris pour l'attraper en flagrant délit? Voilà ma question. La question est posée. Lara, oui. Je t'écoute. Allez, je regarde peut-être trop la télé, mais genre les caméras thermiques avec les lampes à chaleur et tout. Pas bête, hein. Pas bête, mais tu regardes trop la télé. Mais attends, il faut pas que ce soit dans une serre pour que ça pousse le cannabis, non? Alors moi je suis pas un professionnel, mais en tous les cas, c'est en forêt de Vierzon, ils ont réussi à l'attraper. Non, apparemment c'était planté dans la forêt de Vierzon. Attends, il y avait pas des animaux qui étaient stone un peu? Non. Ah, oui. Non, mais ils l'ont. C'est pas comment ils l'ont pris en flagrant délit. Ah. Alors c'est quoi? Comment ils l'ont pris en flagrant délit? C'est pas comment ils ont grillé qu'ils faisaient ça. Ils ont grillé que ce monsieur faisait ça. Et ce qu'ils voulaient, c'est l'attraper en flagrant délit. Comment ont-ils fait? Il fallait qu'il le voie, qu'il le suive, qu'il le voie aller à son champ de cultive. On me fait signe dans le studio, on a des auditeurs avec nous, un hélicoptère. C'est bien ça? Ou alors c'est un signe de Thermomix et vous avez faim? Vous voulez un velouté de potimarron? Un drone? Non, c'est pas ça. Ni drone, ni hélico. C'est pas ça. À l'odeur? À l'odeur, ça pourrait. Non, c'est pas ça. Ah, écoute, comment est-ce que la police a attrapé ce monsieur? On est à Bourges. À Bourges, donc. Ben ça n'a rien à voir. Okay. Moi, je le rappelais pour les gens de Bourges. Ils l'ont pisté. Ils l'ont forcément pisté d'un point A à un point B. Donc, il y a ils dû avoir. Bourges, on les appelle les bourgeois, non? Si, je crois. Les bourgeons? Les bourgeons? On va vérifier. Attends, ils étaient camouflés? C'était camouflé. Ils étaient camouflés. Ils étaient camouflés, c'est comme ça qu'ils ont pu s'approcher aussi près du champ. Bah, ils étaient déguisés en chasseurs. Non. En cerf. Ils étaient déguisés en cerf. Oui, en animaux. Non. En buisson. Non, c'est pas non plus. Ils se sont déguisés en arbre. En arbre. C'est génial. Les policiers étaient déguisés en arbre. C'est fou, pas? C'est vrai. Fou. Et même l'armée. Et ils restaient immobiles dans la forêt? Ils ont resté immobiles. On appelle comment alors les habitants? Berruyers. Berruyers, pardon. Ah oui, les berruyers, berruyères. Eh ben, on a attrapé un dealer, en tout cas un cultivateur de cannabis. Les policiers se sont déguisés en arbre. L'Office national des forêts faisait un contrôle dans la forêt de Vierzon. Ils sont tombés sur une plantation de cannabis. Le gars coupait des chaînes pour planter sa weed. Ça n'a pas plu à l'ONF, l'Office national des forêts. Là, ça leur a pas plu. Ils ont contacté la gendarmerie, ils ont dit « il suffit ». Et ils ont dû se trouver un stratagème pour interpeller le suspect, parce que quand ils arrivaient avec leur fourgon bleu, ils venaient pas. Bah oui, tu te doutes bien. Dès que les policiers étaient à 20 mètres, et le gars, il voyait au loin, il dit, je vais pas venir dans avec le bourbier. Avec les képis, quoi. Bah ouais. Ils se sont motivés, ils ont enfilé des tenues de bois et se sont camouflés dans des buissons. Ils ont attendu tous les jours, ils se rendaient sur place pour le choper. Un jour, il est arrivé. Il avait sur lui 3 kilos de cannabis pour un usage personnel, dit-il. Condamné à un an de prison avec sursis, 1000 euros d'amende Rémi. Imagine ce qu'il a dû se dire. Il a vu un arbre. Le mec cultive du cannabis. Il a vu un arbre parler, se lever, il a dit, wouah, comment elle est forte! Le mec continue de dire. Le mec, il a dit, gendarmerie nationale. Wouah, énorme! Surtout, moi, la prochaine fois que je vais ramasser des champignons, je fais des guillets aux arbres. Je vais checker chaque buisson, je te dis, à chaque fraisier. Non, parce qu'en buisson, je vois l'idée, tu vois, c'est un peu comme l'armée, mais en arbre. Bah, en petit arbre, tu vois. Genre avec le trou, ils mettaient la tête dedans. Bah ouais, mais c'est comme ça qu'ils attrapent. Si ça se trouve, on est en train de parler. Il y a les policiers en palmier dans Cannes. Hein. En quoi? En palmier dans Cannes. Là, ils sont là sur la croisette. Tu dis c'est beau la croisette. Autant un sur deux, c'est un adjudant. Qu'est-ce qu'on sait? Bah oui. Attends. Gendarme à Saint-Tropez Cruchot. Bah ouais. Tu t'arrêtes, ton chien il fait pipi. Il dit bah pas ici. Oh pardon monsieur. Mais t'imagines pour lancer cette OP, ils ont quand même dû se dire attends, on va acheter des déguisements, un déguisement d'arbre, on va le tenter. Et ça l'a fait quoi, c'est fou. Budget, hein. Ah bah il y a un petit budget, bien sûr chez chez la grande récré. Enfin, non au festif là, je sais plus comment on appelle. Oui, c'est ça. Les magasins de trucs là. Au fou rire. À Paris ça s'appelle au fou rire. Mais bon. Exactement. Bon écoute, je t'embrasse. Alors Lara, je t'embrasse hein. Bah nous aussi, moi aussi je te fais un gros bisou à toute l'équipe. Bah écoute, merci à toi et puis bon vol hein, au-dessus du Vercors là. J'ai l'impression que ça se passe bien. Ça va, il y a pas trop de vent, tout va bien. Non, ça va, mais il faut que je me méfie. Je suis garé à côté d'un arbre là. Ah bah fais gaffe. Ouais, t'es pas à l'abri que ce soit un mec de l'ONF ou un policier. Il va me tuer la montre parce que j'ai mon portable garé. Mais bah bien sûr, bah, fais gaffe à toi. Alors dans un instant, on est censé avoir le jeu du champion. Il pourra pas se faire tant que le standard refonctionne pas. Si le standard refonctionne, jeu du champion, vous vous inscrivez par SMS champion au 7 10 12. On me fait des signes que ça fonctionne, ça refonctionne. Bravo, ouais, la technique. Bravo la technique. Bravo. Là, c'était vraiment, faut aller redémarrer quoi. Moi, vraiment... je rêve de poser les questions du jeu du champion, mais j'ai l'impression que ça, c'est dédié à. Tu veux le faire? Mais j'adorerais. Bah, ça t'embête pas, Rem? Absolument pas. Rem, pardon, le faisait. Le pauvre air comme il a les boules. Allez, vas-y. Vas-y, fais exprès. Vas-y, fais-le avec plaisir. Oh là là, Émilie, sa grande première de posage de questions. Ne m'en parlez pas. Attention, je chausse mes lunettes. Mais attention, faut pas te parler parce que tu fais perdre du temps aux gens. Je me foire pas, ça va pas la tête ou quoi? Pourquoi tu veux que je me foire? Je dis pas je veux. De mauvaise je dis ne te foire pas parce que tu fais perdre du temps aux gens. Il y a autant de questions. Il faut pas. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions. Si elle nous fait chaque question comme l'histoire de Jeff Bezos, on non. Écoutez, là, j'ai un texte, je vais pas partir en impro, voyons. Faites-moi confiance. Quelles sont les couleurs les primaires? Bah le vert, le bleu. Vous savez que j'ai un truc marrant sur le bleu. J'ai écouté un podcast qui s'appelle Bleu d'Azur. Pardon, hein, le champion, je reviens vers toi, là. Bleu c'est d'Azur, en fait, c'est un podcast et qui raconte, en fait, que le bleu majorel... Et le bleu Klein ne sont pas... Exactement, ne sont bleu Klein n'a rien à voir avec Calvin Klein. Donc, champion, bah, t'as qu'une réponse, alors. Bah, je suis désolé, t'as perdu mon champion. Mais c'est vrai que je peux, c'est bien le genre sûr, de... Oui, bien sûr que ça peut être le faire. Restez avec nous, on se retrouve, on écoutera aussi Miles Kiss. Tiens, c'est ce qui arrive sur Énergie, on est encore avec vous jusqu'à 19h. Prudence et courage si vous êtes en voiture, on est sur Énergie, à tout. Manu dans le 6-10 sur Énergie. C'est un sondage Ipsos qui a dévoilé hier le classement des plats préférés des Français en 2025. J'ai le top 3. D'après vous, plat préféré des Français, Nico? La pizza? C'est pas la pizza, Salomé. Le burger. Le burger n'est pas dans le top 3 non plus. Lorenza. Les pâtes? Les pâtes non plus. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? Le top 3, c'est la blanquette de veau. Le cassoulet. Quoi? Et enfin, numéro 1, le bœuf bourguignon. Oh. 105. Quoi? Comment ça? L'âge des sondés, je pense. Manu dans le 6-10. Rendez-vous demain, dès 6h sur Énergie. Carrefour. Chez Carrefour, achetez vos yaourts, compotes et desserts et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les yaourts, compotes et desserts, même en promotion. Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Dès 10€ et jusqu'à 20€ d'achat en deux bons d'achat valables du 4 au 20 avril. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. En ce moment chez Citroën, pour la gamme utilitaire électrique, c'est l'opération l'essayer c'est... Je prends. Non, l'essayer c'est... C'est bon, je suis convaincu. C'est l'opération l'essayer c'est l'adopter. Vous pouvez essayer gratuitement un utilitaire électrique Citroën jusqu'à 30 jours. Et en plus, pendant les jours pro, profitez de jusqu'à 15 000€ d'avantages clients, dont 4 515€ de prime certes énergie. C'est pas bon ça? Alors un berlingot pour moi. Citroën. Soit 10 485€ de remise hors taxe et 4 515€ de prime certes énergie non soumis à la TVA. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 30 avril. Détails sur citroën.fr. Moi, je suis pas très organisé. Donc quand je dois jongler entre le boulot et les enfants, c'est un peu genre... Hop. Mais avec le nouveau Samsung Galaxy S25 et son super assistant IA à partir d'€1 chez SFR, là, c'est facile! Jusqu'au 14 avril chez SFR, le Samsung Galaxy S25 est à 1€, plus 8€ par mois pendant 24 mois, avec le forfait 350Go. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez-vous. Offre soumise à condition. Après 80€ remboursés sur demande et 100€ de bonus reprise. Engagement 24 mois. À tous ceux qui taillent leurs rosiers, qui bouturent les bégonias et qui ont semé des primes verts, ni trop à l'ombre, ni trop au soleil. Attention, attention, les enfants débarquent dans le jardin. Bah oui, c'est Pâques. Intermarché offre 10€ en un bon d'achat, des 20€ d'achat sur tous les chocolats de Pâques. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 avril, réservé aux porteurs de la carte de fidélité, modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. L'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Peugeot. Vous connaissez le dicton, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors renouvelez votre flotte avec la gamme utilitaire Peugeot thermique ou électrique. Bénéficiez dès maintenant d'une prime CEE jusqu'à 4 500€ grâce au dispositif certificat d'économie d'énergie. Et pendant le temps des pros, profitez de jusqu'à 15 000€ d'avantages clients sur nos utilitaires, prime CEE incluse. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Conditions sur Peugeot.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleur chef de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Alors, t'as vu le prix de l'avocat chez Lidl? Ah, j'ai vu, patron. Hein. En ce moment, chez Lidl, l'avocat est à 75 centimes pièce. Un si petit prix, c'est vraiment l'avocat. Sion de Lidl, non? 75 centimes l'avocat? Non, mais là, il n'y a plus de justice. Je suis vert. Ah, je plaide coupable. On est mal. Lidl est vraiment le moins cher? Et vous le prouvez sur lidlestmoinscher.fr. Offre valable jusqu'au mercredi 2 avril. Catégorie 1. Origine Maroc, Espagne, Kenya ou Israël. Plus d'informations sur lidl.fr. Énergie. Hit music only. Avec Lady Gaga en concert. Lady Gaga présente The Mayhem Ball les 13 et 14 novembre à la LDLC Arena à Lyon-Dessines et les 17, 18 et 20 novembre à l'Accor Arena à Paris. Ouverture de la billetterie jeudi 3 avril à midi. Infos et réservations énergie.fr, lifenation.fr et point de vente officiel. Lady Gaga en concert. Un événement énergie. Un problème de vitrage sur votre voiture? Vous pensez à Carglass directement? Bien sûr, on s'en occupe. Et avec nous, vous êtes sûr de conserver votre garantie constructeur. Chez Carglass, peu importe l'intervention vitrage ou la marque de votre voiture, votre garantie constructeur, vous la gardez. Et encore mieux, jusqu'au 11 avril, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Et ça, c'est Carglass qui le fait pour vous. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Le prix Camille Combal avant 16h. Camille Combal, sur Énergie. Elle est rentrée à la maison, je l'ai eu pendant une heure et demie. On est quelqu'un qui fait de la radio en direct tout en gardant son fils. Ouais, ben c'est pas simple, hein. Je joue au Playmobil pendant que je vous parle, je joue au Playmobil Astérix. Un des losts, hein. Il avait son nounours, si vous voulez que ce soit nounours qui parle. Il voulait que ce soit nounours qui parle. Il est beau, si vous l'aviez vu, il est magnifique, ce petit. Très mime. Mais surtout, je me dis, ça m'étonne qu'Énergie me dise rien. Que tu sais avec le petit? Ben non, mais à un moment donné, ils vont dire, bah gars, tu peux pas te prendre. Pas tous les on n'est même pas mercredi, on vient demain d'ailleurs. Ah ouais, là j'avais une galère de nous, mais du coup demain j'en ai pas, donc il revient demain. Si tu veux faire un peu de réa. C'est ça les hommes modernes, écoute. Oui. Les bébés sont là, les enfants, on fait comme on peut. Hein. On fait du mieux qu'on peut. Exactement. D'accord, et c'est rarement canon. Dans un instant, sachez que c'est cool parce qu'on va avoir le jeu du champion. Avant, je voudrais qu'on aille rapidos à Dunkerque, qu'on donne de la force au club de foot ce soir à Lille. Il affrontera le PSG pour la demi-finale de la Coupe de France. Wow. Pour rappel, le club parisien est le tenant du titre. Pour rappel, le club parisien va taper à Champions League, je crois. Pour rappel, le club parisien est largement, quasiment déjà champion de France. Dunkerque est cinquième de Ligue 2, mais très en forme aussi. Attention, ça peut réserver quelques surprises. C'est beau les histoires comme ça. C'est beau, bien sûr que c'est beau. Quoi qu'il arrive, bonne chance aux deux clubs. À Dunkerque, bien sûr, c'est le petit poussé. On est toujours pour le petit poussé dans ces histoires. Oui. Sauf quand c'est l'OM. Miles Smith, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bienvenue à tous sur Energy. Jeu du champion après. This crowd I sit alone. Oh, one more drink away from letting go. Oh, oh, oh, I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, oh, oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance all night. Ça, oh, c'est petit cadeau. Toujours. Ouais, bien sûr, un petit cadeau. J'aime bien faire l'écho un peu. C'est comme si vous étiez dans les gorges du Verdon. Je vous fais voyager. Émilie qui est là, ça va? Et comment? Je révise mes. Ah oui, c'est la première fois qu'il est question. Ouais. Alors là, je vous explique même pas. On dirait qu'elle passe son code. Je suis concentrée. Discutez entre vous, moi, je suis pas là. Elle a mis ses deux minutes et ça part. Non, mais elle nous parle. On dirait qu'on est ses petits frères. Discutez entre vous. Moi, je suis en train de faire des choses sérieuses. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin de concentration. Rémi, elle t'a enlevé les questions. Ouais, elle m'a enlevé les questions. Elle a envie de le faire. Bah, écoute, y a pas de souci. Ouais, ça nous fait plaisir. Non, bien sûr. Ça nous fait plaisir, Émiloche, qui va pour la première fois poser les questions. On espère que ça va sourire à notre champion. C'est le jeu du champion. 7-10-12 pour vous inscrire. Vous envoyez SMS champion, puis un mot, quoi, pour nous dire que vous voulez jouer. Bah, ou un petit bisou. Vous pouvez ne rien écrire. Vous êtes quoi qu'il arrive inscrit. Si vous pouvez nous mettre un petit mot, ça fait sympa. On lit les messages. Ouais, un emoji. Voilà, genre on est prêt à partager. Enfin, des trucs, voilà, un petit mot quoi. Tu peux vous aider à être tiré au sort. Eh, hey, lol. Lol qui ressort. On est en train de. Là, c'est LOL. Hein. Ouais, attention, ouais. Hein, les gars. On y va, c'est parti du jingle. Le jeu du champion. Qui reviendra demain? Peut-être Théo, notre champion 400 euros, pompier à Marseille. Salut Théo. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Jérémy salut. Est là aussi face à toi. Salut Jérémy. Salut Camille, bonjour tout le monde. Tu fais quoi dans la vie, Jérém? J'étais journaliste sportif. D'accord. Et ouais, je vivais à Paris et je suis rentré dans ma Bretagne natale il y a 2 ans là. D'accord, tu étais journaliste sportif pour quel sport en particulier? Multisport ou un sport en particulier? Ouais, multisport. Enfin, moi j'ai fait du rugby beaucoup dans ma vie, c'est le sport que je préfère, mais j'ai beaucoup bossé pour du foot à la pige. Donc peut-être pour vous c'est évident, mais pour les gens qui vous écoutent, la pige c'est un petit peu comme de l'intérim quoi. Où on y va en fonction des missions. Du coup, j'ai bossé pas mal pour Beansport, notamment à faire des résumés de matchs de foot. Trop bien. Et au sport du tennis. Ouais, on essaye de s'amuser, quoi. J'aime bien raconter des histoires, donc c'était cool. Et t'es plus là-dedans maintenant que t'es à Vannes? Non, j'ai fait le choix de rentrer en Bretagne après le Covid. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Là, je suivais le club de rugby de Vannes l'année dernière pour un journal qui s'appelle Le Midi Olympique, qui est un journal de rugby. Bien sûr, c'est connu. Donc voilà. Mais sinon, on essaye de retrouver un petit sens à sa vie, comme dirait Tal. Ah, waouh! Il a dit Tal? J'adore ce titre. J'adore, c'est un de mes titres préférés. Sachez-le vraiment. C'est pour ça qu'il dit le sens de ma vie, comme Tal. Mais j'adore cette chanson. Ça met une patate. On peut pas l'écouter? Bah là, c'est le jeu du champion un peu, mais après, on peut l'écouter. Pardon. J'aime bien refaire la playlist d'énergie. Émilie, elle est encore là, c'est vraiment les émissions, elle est chez sa mère. Salon, quoi. Oh là là, mais c'est génial. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'aime, yeah. Tu vois, c'est rassemblant. Wow. Laisse. J'ai trouvé ma voie, je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène. J'entends pas. Et je l'ai. C'est marrant parce que mais encore un point, tu vois, on a mis depuis toujours avec Émilie et on n'avait jamais encore tilté sur ce kiff de Tal. Parce que moi, attention, et Tal le sait, mon kiff absolu. Ah, mais je l'ai. En plus, ça a été joli, frais. J'ai chanté des trucs. Ah là là, à toi, Tania, on sort de la chanter, ça lui dit pas. C'est mon rêve. Elle ne peut pas venir en sort nous la chanter, genre ce soir. Genre, on peut l'appeler, quoi. Ouais. Elle vit pas en France? Elle vit où? Ah mince. Ouais. Elle mixe aussi, je crois. Elle mixe maintenant, elle fait des DJ, je crois. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'était un peu notre MIA. Mia, vous Mia. Ouais. Pepper française. Planes. Ouais, bien sûr. MIA Pepper Planes. OK. Bon, tu poses en français les questions, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah, j'ai chaussé mes lunettes et tout, je suis un peu plus là, prête. Attention, là c'est une bibliothécaire. Attention, Jérémy, on va y aller avec on dirait qu'elle dirige le CDI. On oui, alors vous irez en seconde STC. En première. Pardon, mais j'avais un quid, je l'ai perdu. Je sais pas. Alors c'est parti, Jérémy, on y va. 45 secondes de questions pour toi, top chrono. Quelle est la capitale de l'Égypte? Jérémy? Le Caire. Allô. De quelle couleur est la bande la plus à droite du drapeau belge? Noir. Rouge. Quel est le nom du registre avec les numéros de téléphone des habitants d'une ville? L'annuaire. Comment s'appelle le doigt dédié au bac de mariage? L'annulaire. Florent Manaudou est-il plus âgé que sa grande sœur Laure? Non. Combien font 15 x 3? 45. Quel don possède Christophe Lambert dans le film Highlander? Il est immortel. Dans le sigle télévisuel TNT, que veut dire le N? Numérique. Quel produit en forme de petit grain est l'ingrédient principal du couscous? La semoule. Dans quel sport pratique-t-on? Ça y est, c'est le gong. Il est fort, hein. Waouh. Il est fort et très bien posé. Ah ouais. Question, hein. Oui, écoutez, ça c'est mon passé. Je faisais beaucoup de voix pour des émissions, donc je vois que ça m'est resté. Je suis content. Écoutez. Attention, c'est une petite voix qui ça émoustille un peu. Oui. J'ai peut-être tourné des petites pubs pour je ne sais pas Lint ou des choses comme ça. Peut-être qu'on va me repérer, qui sait. On continue, ça m'a pris. Que ce soit pour Lint. Ouais. Peut-être pas pour Lint. Peut-être pas pour eux. Peut-être pour autre chose, ouais. Peut-être pour Stana. Les escaliers qui montent quand on est un peu vieux, quoi. Enfin bref, on enchaîne. On a 9 discussions en même temps. Même moi, je sais plus. Tu sais, c'est ces moments où tu dînes et à un moment donné, t'as deux secondes et tu dis. Les gars, on parlait de rafting. Comment on est arrivé à Bardelag? Tu dis, mais en 5 minutes, et t'es là, et tu dis, oh, Bardelag, les cravates. Je dis, mais gars, on parlait rafting il y a combien de temps? Il y a une minute. Et on voit pas, dites-vous qu'on est clair. Ah non, non! Pas de... On est clair de chez clair. Attention, hein. Mais on ouvre des tiroirs. Bon, ouais, ça c'est autre chose. Théo, qui est pompier à Marseille, il a envie de rester champion, mais attention à 8 bonnes réponses. Hein. Ouais. Non, allez, là, je vais pas devenir le nouvel Émilien. Ne pars pas comme ça. Jérémy, en tout cas, il n'y a qu'une erreur. De quelle couleur est la bande la plus à droite du drapeau belge? C'est rouge. Ouais, je pensais au drapeau dans le miroir, en fait. Ouais. Et après, t'as mis un peu de temps, t'as perdu du temps, t'aurais fait un score de dingue. Hein. Sur la première, la capitale de l'Égypte, t'as fait un aller-retour en Égypte et t'es revenu nous dire le Caire. Ouais, c'est un autre dromadaire, c'est un peu chiant. Ouais, en tout cas, on l'a. 45 secondes pour notre champion. Top chrono. Quelle est la capitale de la Russie? Saint-Pétersbourg. Combien de couleurs compte le drapeau autrichien à 3 bandes? 3. Que signifie le P dans le nom de l'agence AFP? Passe. À quel compositeur doit-on la 8e symphonie de Beethoven? Beethoven. Combien d'angles droits possède un triangle rectangle? 3. Quel quartier de Los Angeles est aussi une marque de chewing-gum? Hollywood. Quel oiseau est le surnom des joueurs de football de Nantes? Passe. Qui est le mari de la sœur de mon père par rapport à moi? Ma cousine. Comment s'appelle le nez du chien? Le museau. Truffe. Combien de fois la lettre U se trouve dans le mot hurlu? Bah, tu peux finir. J'y arrive plus. Hurluberlu. 5. C'est 3. T'avais compris la question qu'elle a jamais fini. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il a eu tout faux, le mot. Je suis désolée. Oh, j'en ai eu deux quand même. Oui, excuse-moi, mais moi, c'est ma première fois. Mais ça va pas, le pauvre, c'est notre champion en plus. Je suis dégoûtée pour toi. Ah, oui, t'as l'air, ouais. T'as l'air hyper dégoûtée. J'ai peur que je t'ai pas porté malheur. Non, tu l'as pas porté. Je pense que c'est de ta faute. Oh, bah, moi, je pense que c'est de sa faute. Je suis désolée. Hurluberlu. Non, on peut pas refaire jouer, malheureusement. Théo, il a déjà gagné 400 euros. Il a la tête de 400 euros. C'est super, 400 euros. Hurluberlu, 3 U. Ouais. Le nez du chien. J'ai dit, ouais, ça, ouais. Et ouais, bah, c'est 3. Le nez du chien, c'est pas museau, c'est truffe. Oui. Le mari de la sœur de mon père, ça il faut passer de toute façon. Oh, c'est l'oncle. C'est l'oncle. Ouais. Oh. Oh, bah, même moi, j'avais. Après, l'oncle est peut-être ta cousine. Il y a peut-être des familles dysfonctionnelles. Non, on juge pas. Du Nord ou pas, hein. On juge pas. Non, pas du voilà d'avoir avec le Nord. L'oiseau qui est le surnom des joueurs de football. Bah, il l'a, Jérém. Les cuis, les canaris. Les canaris, bien sûr. L'angle droit possède un triangle. Combien d'angle droit possède un triangle rectangle? 1. Oh, mais fou, je peux même pas vous l'expliquer. Rien, ça, mais moi non plus. Que signifie le P dans AFP? Ça aussi, tu le sais, Jérém. Agence France Presse. Voilà, presse. Combien de couleurs contre le drapeau autrichien à 3 bandes? 2. Rouge et blanc. Et la capitale de la Russie, je vois ta DA, Théo, tu t'es dit, il y a un piège avec Moscou, mais il n'y a pas de piège, c'est Moscou. Et Hollywood? Ouais. Le quartier de Los Angeles, vous l'avez dit? Ah, tu l'avais, génial. Ah non, mais quoi, tu le voyais plein de fausses, tu vois, il y en avait des vrais. Non, c'est vrai, non, pardon, excuse-moi. Ça fait que 2 points quand même. Non, mais j'ai paniqué parce que j'avais l'impression que c'était ma faute. Il a paniqué, Théo, mais en même temps, on n'est pas habitué à la voix de Emily. Bah ouais. Qui, quand elle pose des questions, se transforme un peu en la prof un peu sexy, Karine. Tu vois? Hein? Karine Durand, c'est la prof remplaçante. Non, c'est Théo Café. Comment elle s'appelle, l'animatrice? Catherine Sellac. Catherine Sellac, un peu. J'ai cette petite Elle a une voix qui n'est pas une voix de 18h, plus une voix de 23h30. Ouais. Minutes, tu parles de moi? Calme-toi, sympa. Non, mais c'est vrai, c'est une belle voix, mais une voix... Oui, une voix un peu Macha. Vous vous souvenez, voilà. Macha qui prenait les appels de nuit? Oui. Là, vraiment, parlant des trucs... C'est hyper connu, c'était bon il y a longtemps. Je l'ai pas moi. Mais oui, allô, c'est Macha, elle avait une grosse voix. C'était les appels de nuit, c'est une grande voix de radio. Je sais plus, il faut que j'avance un peu, Émilie. Pardon, excusez-moi. Il faut que j'annonce à Théo que malheureusement, il va rester avec 400 euros. Je suis désolé, Théo. C'est mieux que rien, c'est pas grave. Hein. Et ben, on est très content pour toi. Et Jérém, tu 200 euros et tu deviens notre nouveau champion, Jérém. Hein. Trop cool. Bon potentiel aussi, là, avec les 8 réponses, premier soir. 8 réponses, on te retrouve demain, 200 euros, et on essaiera de passer les 400. D'accord, Jérém? Trop bien, ça marche. Merci, bonne soirée à tous. Merci à toi, mon pote, 18h04. Salut. On écoute tout de suite Pierre Garnier, on est avec vous sur Énergie. Un peu de moi, juste là. Comme si j'avais attendu ça toute ma vie, sans le dire, sans jamais oser rêver de ce qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je suis là, et je ne veux plus jamais quitter cet endroit. Un peu de moi, un peu ma voix, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de nous, même quand je doute, un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir. Essayer, tant que dans le miroir je me reconnais, j'en ferai des erreurs et des déçus, ça je le sais. On voulait pas d'être moi, je cherche encore à savoir ce qui me va, ce qui me va. Un peu de moi, un peu ma voix, un peu de vous qui m'écoutez le soir, de nous, même quand je doute, un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir. Un peu de moi, un peu ma foi, un peu de vous qui m'écoutez le soir, un peu de nous, même quand je doute, un peu la vie que j'ai toujours voulu avoir. Pierre Gardier, ce qui me va, voilà ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur Énergie. C'est pas mal, hein? Ah ouais. Ah ouais. Bon, j'ai été à gratter ça sur un coin de table. J'étais dans un bistrot argentin. On s'est croisés par hasard. Pierre m'a dit j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai gratté sur un bout de cette deux tables, comme ça. Ouais. Pas mal, le résultat est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Franchement, ça s'écoute. Il l'a vraiment fait tout seul à Caen. Il a vraiment pas eu besoin de moi pour faire ça, je vous rassure. Oui, Rémi. Tu peux raconter une petite histoire par rapport au coin de table et au dessin? Ouais. Picasso. Picasso, un jour, il mange au restaurant et le serveur et le patron lui dit oh, vous pouvez me griffonner un petit truc sur un coin de table. Il griffonne un truc et il lui découpe et il lui donne le papier. Il lui dit mais monsieur Picasso, vous l'avez pas signé. Il dit bah je l'ai pas signé parce que je voulais juste payer l'addition, pas le restaurant. Oh, énorme, voilà. Wow. Et il est parti comme ça le Picasso. Un peu le radin Pablo. Aussi quand même. Ouais mais bon, un elle est belle. Bah non parce que ouais il s'est dit il va en faire quelque chose. Ouais. Mais oui, fort hein. Ah, c'était un peu le premier gangsta rap, hein. Un peu. Hein, Picasso, c'était le premier un peu rap game, un peu street, quoi. Ça aurait fait une bonne anecdote pour Brillant Société, vient de se la griller. Parce que t'as raison, Emilie, on termine toutes les émissions avec les infos pour briller au dîner de ce soir. Peut-être pas en société, on n'ira pas jusque là. Déjà au dîner de ce soir, oui, hein, parce que nous, on n'est pas de la haute comme vous, Emilie. Donc juste, au petit vacherin de ce soir, quoi. Et donc, ça aurait pu faire, c'est vrai qu'elles sont toutes claquées et la bonne, tu la sors comme ça gratos. Ouais, un peu comme ça. Ouais, je l'ai peut-être. Et on fait comme si rien ne s'était passé. Non, j'en ai une très bonne soirée. Eh, bonne soirée, tout au quant. On est sur Énergie. Pierre Garnier, à l'instant, j'ai écrit ça sur un coin de table. Ah, j'ai ça dans un restaurant. Un jour sans fin. Un haut tacos. J'ai écrit ça, évidemment. Émilie et Rémi sont là. Oui. C'est pas vrai, il l'a écrit tout seul, à Caen, bien sûr, évidemment. Il est fort. Et c'est là qu'on pense que tout est écrit à l'avance. Ah, mais tu l'as dit, du coup. Ah, zut. On repart en arrière. Ciao, tout au quant. On est sur Énergie. Pierre Garnier, à l'instant. Excité. Vous savez que je l'ai aidé à faire écrire ça. C'est fou, ça. Sur un coin de table, on mangeait dans un Buffalo Grill. Et on était là, tous les deux. Et donc, il me dit, oui, j'aimerais bien écrire là-dessus. J'ai gratté sur un set de table. Si je peux l'aider, c'est pas vrai. Il a écrit tout seul à Caen. Wow, énorme. Incroyable. Ouais, ça fait trois fois, c'est un peu tard, hein, pour trouver. Ouais, c'est un peu tard, Thibaut. Tu crois pas, même toi, regarde-moi. T'as pas fait une bêtise? Fait une grosse bêtise, Thibaut. Regarde-moi, t'as pas fait une grosse bêtise? J'ai fait une grosse bêtise, mais souvent tu dis mieux vaut tard que jamais. Alors je me suis dit, bon. Ouais. Dans le doute. C'est trop tard. Qui c'est qui a griffé le canapé? C'est moi. qui c'est qui a griffé le canapé? Faut pas le faire. Griffouiller. Bon, on est le 1er avril, les amis. Vous me retardez dans cette équipe. Je peux pas avancer, vous ne faites que me retarder. Vous vous rendez compte? Ça fait 3 minutes que. Xavier qui est avec nous. Salut Xavier. Et salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut Xavier. Ouais, ça va vous aussi? La forme? Ah oui, moi je suis très en forme, mais pourquoi vous répondez plus? Je sais pas, parce que c'est bizarre, il y a écrit que Xavier au standard. Je sais pas, Yasmin, poisson d'avril? Non, l'équipe, vous êtes en train de faire un poisson d'avril? Enfin, genre mon oncle ou... C'est sûr? Ben si, c'est tonton, Camille, tu m'as pas reconnu? Eh ben non, puisque mon oncle est mort. Oh! Ah, bon. Wow, le c'est froid, pas ce qu'on voulait dire. Glacial. Ouais, j'ai mis un peu un bad. Attends. Ah ouais, bah non, il l'a, ouais. Et ciao, tout ton quoi, on est remonté dans. Regardez à l'instant. Vous savez que j'ai écrit vite fait pour lui. Non. Ah ouais, on était chez Londres Bruxelles, on mangeait des moules. Oh, wow. Ah, il se régale. On mangeait des moules au poivre. On s'est régalé. On s'en est mis mais plein les babines. On s'est régalé. Plein la panse. Vraiment, on était. Il a terminé la gueule dans le moutabal. Et on était là, on passait la soirée, tu vois. Et là, il me dit ouais, machin, j'aime bien un strict. Et j'ai écrit pour lui. C'est pas vrai. Il a écrit tout seul à Caen. Il y a Xavier qui est avec nous. Salut Xavier. Salut Camille. Salut toute l'équipe. Salut. Salut. Bon, quel jour on est aujourd'hui? 1er avril. Ouais, je l'ai dit 4 fois. Qui dit 1er avril dit toute la presse des entreprises, ils vont de sa petite boutade, vous le savez. Il y a petites boutades de partout. Alors j'en ai retenu quelques-unes, essayez de les deviner. Vous le savez, c'est ces fameux articles auxquels personne ne croit et que tous les 1er avril, ils y vont, quoi. Notamment, il y a les petits farceurs d'automoto.fr. Ils ont fait une boutade qui concerne Anne Hidalgo, laquelle? Est-ce que vous savez? Un rapport avec la circulation à Paris. J'imagine. Ouais, un chantier, oui. Un truc. Non, l'inverse, toutes les voitures autorisées. Non. Non, ils ont dit que elle allait faire passer le cœur de Paris à 10 km/h. Oh ben, on n'est pas loin du compte. Hein, bah, j'allais dire, on roule déjà à 5 km/h. Oui. Je vois pas où est la blague. Ouais, c'est ça. Ouais. On doit être à 30 en ce moment. En tout cas, c'était une des blagues de automoto.fr. Mmh. Selon France Bleu, qu'est-ce qui aurait été aperçu dans le port de Nice? Une baleine. Un requin. Allez. Oh. Bah ça c'est un possible, non russe. Non, c'est j'ai donné, c'est un requin. Oh, c'est pas un sous-marin russe, ils sont pas allés jusque là quoi. Ça m'a débarre hein. Ça débarre, c'est le 1er avril. Pour rien, c'est pas moi qui écris hein. Ah alors là, il y en a une qui ils ont pas été mauvais parce qu'ils ont démarré longtemps avant et ils ont même un peu piégé l'équipe. Je l'ai pas dit à l'antenne, j'ai me vérifié, ça me paraît bizarre votre histoire. Et au final, c'était une fake news, enfin c'était un poisson d'avril. Ice-T qui avait dit qu'ils arrêtaient le parfum pêche. Oh ah oui, j'ai vu ça. C'est interdit en plus. Et en fait, c'était un poisson d'avril. Mort. Ah fort. Rigolo. Ouais, mais en attendant, ils ont eu plein de monde, hein. Ils ont failli avoir l'équipe. C'est un poisson d'avril, mais eux ils l'ont lancé 2 semaines avant, donc j'ai du mal à savoir que c'est un poisson d'avril. En revanche, j'ai toujours pas de nouvelles du Liptonic. Ah. J'adore. Ah, ben ça, il y en a dans le sud de la France, hein, beaucoup. Hein. C'est ma boisson préférée. Thibaut. J'ai failli t'en acheter la semaine dernière, parce que dans mon inter à côté de chez moi, mais tu m'as dit que tu faisais plus trop de sucre. Ah ouais, non, mais Liptonic, attends. Je t'en prie, du sucre. Ah oui, mais non, ça n'a rien à voir. La canette de Liptonic, mais j'adorais. Tu connais Xav? Oui, très très bien. Et c'est effectivement, dans le sud, il y en a un peu plus que dans le nord. Ouais. C'est ça. Pourquoi bien? Mais je sais pas pourquoi. Ça dépend des ventes. C'est une boisson fraîche. On passe à la marque Cochonou. Les Cochonou sur les réseaux, ils ont dit qu'ils allaient monter une équipe de cyclistes professionnels pour le Tour de France. Poisson d'avril. Alors que franchement, un petit maillot, tu vois, à carreaux rouges et blancs. Il n'existe pas, moi j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça. Il existe des t-shirts, mais ils n'ont pas encore fait les maillots Cochonou de vraiment sportifs avec lesquels tu as couru. Pardon, pour moi, ça c'est comme les pulls de Noël Lidl. Ça part tout de suite. Mais c'est sûr. Trop bien. Bien sûr. Ah ouais, je peux avoir un petit Bob Cochonou, je serais. Un petit carreau. Je te le ramène demain. T'en as un? Ouais. Non, arrête. Je te jure. Je peux être très prom dog sur un Bob Cochonou. T'as un Bob Cochonou? Ouais. J'ai fait les caravanes du tour. Ah oui, c'est vrai que t'as fait ça, quoi. On lançait des saucisses. Comment il a de vie, celui-là? Ah ouais. Ouais. Bien, il a de vie. Et je t'ai pas parlé de ma carrière de chanteur de cabaret. Qui n'existe pas. Ta carrière de mytho? Et aussi, oui. Bon, voilà, c'est un petit peu, on a fait le tour pour vous, un petit peu les infos du 1er avril, celles qui ont été lancées à droite, à gauche. Mignon. Mais oui. On n'y croit plus, quoi. C'est le problème, quoi. Tiesto et Follow Rivers, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Xav, je t'embrasse, mon pote. Ouais, plein de bisous, merci beaucoup. T'es vraiment pas mon oncle, hein? Non. Pas de soucis. On est sur LRG, on est en direct avec vous. We'll be right back. Merci de nous suivre, merci d'être là sur Énergie. Devinez quoi, on va rester encore un petit peu. Bah oui, on est là jusqu'à 19h, il y a encore plein de choses qui arrivent dans l'émission. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage. Je vous remercie, vous tous, qui avez quelques minutes à nous accorder tous les soirs entre 16h et 19h. On reste à vos côtés. Émilie, tu restes? Avec évidemment. Bah bien sûr. Rémi, tu restes? Bien sûr. Bah la meilleure news. Et en tout cas, on est là jusqu'à 19h avec vous tous, surtout. Courage et prudence. MC Ménor, ça va arriver sur Énergie. Bougez pas, on est là avec vous. Devenez le DJ producteur de demain. Grâce à Énergie. Participez au concours Énergie Talent spécial DJ. DJ. Parrainé par Trilix. Let's go. Si vous gagnez, vous pourrez signer avec le label We Are Warner Music France. Pour la production de votre single. Participer à un writing camp. Être pendant un an DJ résident. Énergie extravagance. Pour tenter votre chance au concours Énergie Talent spécial DJ. Postez votre track maintenant. Sur énergie.fr. Hit music only. Et si vous succombiez au savoir-faire français? DS Automobile présente DS3 édition France. Richement dotée et produite en France, cette nouvelle édition limitée, forgée dans l'élégance, vous séduira avec ses finitions dorées. DS3 édition France 100% électrique, à partir de 290€ par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Si vous aimez qu'un hôtel soit particulier et pas standardisé. Si plus qu'y dormir, vous avez envie de super bien y dormir. Si vous êtes convaincu qu'un petit hôtel peut avoir un grand restaurant. Si vous pensez qu'un bon établissement doit aussi chouchouter son environnement. Et si vous avez envie de soutenir une entreprise locale plutôt qu'une multinationale, alors... vous êtes bien chez Logihotel. Un hôtel tous les 12 kilomètres. Logihotel.com. Joignez le local à l'agréable. Noroto. Attends, mais depuis quand tu mets des moufles pour conduire, toi? Bah, j'ai fait l'entretien de la clim chez Noroto, on va tester tout ça. En plein mois d'avril. Bah, c'est bien, t'as le sens du timing. 20% de remise, c'est pas tous les jours. 20% de remise? C'est pas vrai. Mais si, jusqu'au 6 mai, Noroto vous offre 20% de remise sur l'entretien climatisation pour toute révision, vidange ou entretien effectué. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway, mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr. Vous voulez encore plus de Manu dans le 6-10 sur Énergie? Écoutez-le en podcast sur l'appli Énergie. Téléchargez-la maintenant. Elle est gratuite et sans abonnement. Mais où peut-on trouver du Saint-Nectaire AOP à 9,99€ le kilo? À ce prix-là, je vous en prends tout de suite. Il est affiné pendant 35 jours, et en France qui plus est. Alors ne ratez pas tous nos inratables du marché. Du 1er au 5 avril, le Saint-Nectaire AOP laitier origine France est à 9,99€ le kilo. Oui, 9,99€ le kilo. Dans vos magasins U et sur courseu.com. Offre valable dans les magasins participants équipés d'un rayon fromage à la coupe. Point retrait du 1er au 5 avril. Voir conditions sur magasin-u.com. Pour votre santé, évitez de clignoter. Énergie présente les Francofolies du 6 au 8 juin à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Retrouvez Soprano, Trilix, Big Flo et Oli et bien d'autres. Infos et réservations, énergie.fr et francofolie.lu. Un événement Énergie, it's music only. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390€ par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer, 390€ après déduction bonus écologique de 2000€. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur BMW.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ce Hit Energy, tout le monde l'écoutera demain. Louane. Numéro 1 sur les nouveaux hits Energy. Devine quoi, les Gaulois sont de retour au parc Astérix. Alors, tu vas faire quoi en premier? Moi, je vais faire Pégase Express. Après la tour de numéro bis. Après Disco Bélix. Après Osiris. Oh, après, je referai Pégase Express. Ah bah ça tombe bien, jusqu'au 7 mai, l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Et même qu'après, je vais faire tout à 10. Parc Astérix, on est comme ça au pays des Gaulois. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Si pour vous le ménage c'est le dimanche, quand il n'y a pas déj de famille, pas ciné et pas flemme. Si pour vous le vinaigre blanc c'est juste un truc qui pue posé dans un coin, il est où déjà? Et si pour vous les influenceurs ménages ça influence tout le monde, sauf vous, alors pour vous, Wicaza est là. Un service de ménage régulier et sans engagement. Pour réserver votre session, rendez-vous sur l'app ou sur wicasa.fr. Wicasa, on va vous ménager. Envie de partir en vacances cet été ? Découvrez les résidences Odalis Vacances. Odalis Vacances, ce sont plus de 150 adresses tout confort à la mer, à la montagne ou en pleine nature qui vous attendent partout en France et en Europe du Sud. Ne tardez plus et réservez vos vacances dès maintenant sur odalis-vacances.com. Faire ses courses, ça peut être un véritable casse-tête, mais pas chez Marché Frais. Retrouvez des produits frais de qualité et au meilleur prix. Marché Frais, c'est aussi parmi les plus grands rayons halal d'Île-de-France et des méga promos toute l'année. Du 2 au 6 avril, le kilo de mini concombre est à 99 centimes seulement et le kilo de nectarine est à 1,99€. Marché Frais, 12 magasins en Île-de-France, comme à Corbeil-Essonne, 24 avenue Paul Maintenant. Concombre catégorie 1 origine Union Européenne et grosse nectarine jaune catégorie 1 origine Afrique du Sud. Le parc zoologique de Paris vous invite à la rencontre de plus de 3000 animaux du monde entier. Cette année, laissez-vous surprendre par les stratégies collaboratives des loups, la mémoire spatio-temporelle des roussettes, la communication des babouins et plein d'autres surprises à découvrir en famille. Programmez votre visite et réservez dès maintenant sur parczoologiquedeparis.fr. Avec les Vulconomies, Vulco vous sort encore le grand jeu. Jusqu'à 140€ remboursés sur les pneus Goodyear et jusqu'à 30€ sur le freinage. Et Vulco couvre tout le terrain de l'entretien avec beaucoup d'autres promotions sur ce qui mérite votre attention en cette saison. Avec Vulco, la route est plus sûre. Comme Vincent Clerc, jouez Vulco Collectif. Offre valable jusqu'au 19 avril. Voir détail en centre et sur vulco.fr. Pneus et entretien auto, c'est tout fait, c'est Vulco. Partez en vacances en famille ou entre amis avec Odalis Vacances et Énergie. Connectez-vous sur énergie.fr pour gagner votre séjour d'une semaine pour 4 personnes dans l'une des 150 destinations à la mer, à la montagne et à la campagne avec Odalis Vacances. Merci, merci, merci, merci, merci. Énergie, it's music only. Paris Île-de-France, Énergie 100.3 et en DAB+. Vous saviez que écouter l'émission de Camille Combal sur Énergie, ça rallonge la durée de vie de 12 ans? Bon, c'est pas vrai, mais de toute façon, je peux dire n'importe quoi ici, tout le monde s'en fout. Camille Combal, de 16h à 19h sur Énergie. Ah, notre Richard, il est venu nous voir un soir, ça nous a fait trop plaisir, la voix culte, bien sûr, de Buzz l'éclair, entre autres, de plein de gens, Richard Darbois, mais c'est vrai qu'on en a rien à foutre, Richard. Ah, vu aux étudiants qui nous écoutent, les futurs bacheliers ont jusqu'à demain pour